Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme. On est en direct jusqu'à 6h, jusqu'à 6h30. Bah oui, dans cette minute on va se barrer, hein, ça paraît pas mal. Non, jusqu'à 9h30 bien sûr, là il est 6h23, c'est la fin du warm-up et le début donc de l'émission en direct. Comment va Julie ce matin? Je vais très bien ce matin. Bon ben... Ça va, les routes sont bonnes, il fait plutôt doux, bon on se croit de nouveau pas trop au mois de décembre mais ouais, non, c'est vrai que ça a remonté, ouais, ça a remonté un petit peu là. Tiens, premier message qui est arrivé à 6h21, tiens, salut Mickaël, je cherche un job d'étudiant. Tu sais m'aider s'il te plaît, c'est Alison qui avait envoyé le message. Bah écoute Alison, donne-nous peut-être un peu plus d'infos là, ce que tu recherches exactement, dans quelle ville tu trouves, ce que tu bois, voilà ce que tu recherches dans l'absolu tout simplement. Donc voilà, tu peux me renvoyer un petit message si tu le souhaites, il n'y a pas de problème. Top va bien également? Top va très bien. Bon alors est-ce qu'on continue dans la recherche d'un endroit pour passer Noël? Non, on est dans la recherche. Tu as trouvé hier, tu me diras, donc c'est voilà, c'est donc maintenant je cherche un cadeau. Ah bah oui, donc tu vas essayer de gratter des cadeaux. Non, je vais d'abord essayer de trouver une idée et après j'essaierai de gratter le cadeau. D'accord, ok, bon chaque chose en son temps. En tout cas, ça. Semaine spéciale Noël. Bah oui, c'est normal, c'est normal. Mais évidemment, et pour terminer cette semaine spéciale Noël, nous irons, nous serons normalement au ski à Bruxelles, au Mont des Arts vendredi. C'est bizarre de dire ça, nous serons au ski à Bruxelles. Nous serons au ski à Bruxelles, au Mont des Arts vendredi. Donc si vous voulez venir skier avec nous, n'hésitez pas. En plus, on cherche plein de monde pour être déguisé en Père Noël et vous repartir avec des cadeaux, tout ça. Enfin bon, on aura l'occasion de vous en dire plus. On vous en dira plus. Ne vous inquiétez pas, voilà. Bon, et puis ce matin, pas mal de choses évidemment, comme d'habitude. Où sont nos stagiaires, Seb? Alors, ils sont devant l'émission. Max, Sandro. Alors, ils sont devant l'émission de l'année. Oh, mais c'était. Je m'excuse, RTL, mais c'était nul. Je suis désolé, mais c'était nul. Bah, écoute, je sais pas, mais eux, ça fait depuis ce matin qu'ils sont devant, ils sont. Plié. Non mais j'ai rigolé 2-3 fois, mais je veux dire franchement avec tout le burn-up qu'ils ont eu, les pubs et total blackout. Tu te dis bon bah il va se passer, ça va être énorme. Je regarde, putain, et je me dis, et après c'était fini, je me dis ok, bon bah, c'est tout, y a rien de plus. Bah, c'était juste à mourir déçu, de quoi. Rire. Ah, oui, non, c'est ça, non, parce que. Degré, quoi. Moi, ouais, je pleurais de rire. Ah oui, mais je suis pas sûr que eux l'aient fait pour que tu rigoles au second degré. Hein. Non, parce que. Je suis pas convaincu, ça. Parce, mais, que, parce que les stagiaires, j'arrive pas à les décrocher de l'émission. Ah ouais, bah écoute, bah tant mieux, hein, ça se trouve, c'est peut-être moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, si vous étiez derrière votre télé, tiens, regardez Total Blackout hier sur RTL TVI. Venez nous en dire, venez nous donner des nouvelles. Est-ce que vous avez vraiment aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça nul? Est-ce que vous avez pas regardé? 3044 pour nous donner votre avis, ou alors sur le Twitter ou sur le Facebook de l'émission. Vous tapez dans les deux cas MIKL officiel. Voilà. On remboursera vos factures aussi tout à l'heure au 6322 code facture. Nous aurons également l'occasion de faire un petit free code game, bien entendu. On fera un petit blind test aussi aux alentours de 8h15 pour participer. Lourd dans le blind, allez-y. Test, y a du lourd. Ah cool, parfait. Julie va encore jouer. Elle a gagné hier d'ailleurs, Julie. Hein, faut ah le mais savoir. Attends, mais moi je gère. Hein, mais bah je ne sais pas quel est le thème aujourd'hui, évidemment. Chanson française. Bah voilà, chanson française. J'allais garder la surprise, mais là c'est dit. Et puis voilà, donc on appellera des gens avec Toff pour emmerder le monde. On aura la ligne anti-relou, bien entendu. Et puis vous savez, chaque matin je me fais réveiller car je n'écoute pas Fun Radio le matin avec mon radio réveil. Et oui, Mickaël n'est pas corporate. Mais non, mais je capte pas, je peux pas faire autrement. Ou alors c'est via internet, mais j'ai peur que ça marche pas toujours. Donc je préfère ah, être sûr. Ça serait con bah, que t'arrives à 7h10, quoi. Bah c'est ça. Donc du coup, il y a une autre radio, une radio en l'occurrence pour les vieux, là, et là c'était ça. Ah oui. Come on, woo! Voilà, qui chante à votre avis? Quel est le groupe? Si vous avez la bonne réponse, 6322, il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques. Donc bah bonne chance, hein. Ça va, c'est pas trop dur ce matin. Hein. C'était plus dur avant-hier. Ah non, je trouve que c'était plus dur hier, moi. Ah bon? D'ailleurs, ah ouais. C'est David et Jonathan. Non, c'était pas celle-là alors. Là, c'était encore avant, là. Je sais ouais, plus ouais, ce que c'était. C'était mais... vendredi. Ouais, c'est... Ah oui, avant-hier. Ah oui, oui, bah avant-hier, ouais. Donc vendredi, ouais. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, il y a des cadeaux pour vous à gagner, bien sûr. Tiens, chez moi, on était tous morts de rire aussi, c'est Loïc de Floref. Bon, bah dites-nous ce que vous avez pensé de Total Blackout hier sur RTL TV. On en parle dans un instant. Juste après ça, il y aura également l'info de Julie qui va débarquer. Et puis, on va écouter le son de David Guetta. Le son de David Guetta, ce sera Without You, David Guetta et Usher sur Fun. Allez, bonne matinée avec Fun Radio, il est 6h27, on revient dans un instant avec l'info de Julie. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 6h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est le 20 décembre ce matin et on passe à l'actu maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous, grève sauvage de la SNCB ce matin, une partie du personnel des gares de Mons, Tournai et Hatte se croisent les bras, les lignes qui passent par ces gares sont donc fortement perturbées. Les raisons de cet arrêt de travail sont inconnues et l'ampleur de ce mouvement est encore incertaine. Il est possible que le personnel d'autres gares belges suive le mouvement initié par leurs collègues. Une autre grève grève, cette fois générale, est prévue jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Train, bus, administration, courrier et peut-être enseignants. Le problème, c'est la réforme des pensions du ministre Vincent Van Quickenborne. Le gouvernement veut faire passer ces mesures avant la fin de l'année et la commission des affaires sociales a déjà approuvé ce projet. Il est prévu de faire reculer l'âge de la prépension, mais également de supprimer le principe des prépensions à mi-temps. Par contre, les créditants aux prépensions demandées avant le 28 novembre seront préservés. Et puis, les régimes spéciaux des pensions pour les fonctionnaires mineurs ou marins sont revus. Visiblement, plusieurs textes seront votés à la fin de l'année. Les syndicats reprochent au gouvernement de prendre des mesures importantes en urgence et sans concertation. D'après Loretta Collins, ministre des Affaires sociales, dans la situation économique que l'on vit, il faut absolument avancer vite. À noter que les syndicats rappellent qu'un préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Emprunter de l'argent coûtera plus cher, une conséquence directe de l'abaissement de 2 crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser les notes de crédit de la région wallonne, de la région flamande, ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Cérémonie d'hommage à Liège aujourd'hui. Il y a une semaine, jour pour jour, Nordine Amrani a ouvert le feu, place Saint-Lambert, tuant 4 personnes et blessant 166 personnes. Aujourd'hui, à 12h30, les autorités publiques et le prince Philippe déposeront une gerbe de fleurs à l'endroit du drame. Pour rappel, 6 personnes sont encore à l'hôpital entre la vie et la mort. La Belgique comptera 13,5 millions d'habitants en 2060. Les raisons de cette augmentation de 25% par rapport à 2010 sont simples. L'augmentation de l'espérance de vie masculine, une reprise de la fécondité des femmes et davantage encore en raison de l'immigration internationale. Cette hausse serait particulièrement sensible à Bruxelles. Et à 6h33 sur Fun Radio, on va passer maintenant à la météo. Quel temps pour aujourd'hui ? Eh bien, bonne nouvelle, l'atmosphère se radoucit lentement. La neige voltigera au-dessus de 400 mètres sur l'Ardenne, de la pluie partout ailleurs pour ce matin. Puis progressivement, c'est le temps sec qui va revenir. Maxima de 2 à 7 degrés. Demain, le ciel sera couvert et les températures grimperont encore un petit peu jusqu'à 8 degrés. Ben quand tu dis ça, j'ai toujours l'impression d'être en été. Les températures grimperont encore un peu. Genre, on arrivera aux 27-28 degrés demain. Si on passe de 4 à 8, ça va. Oui, non, c'est vrai qu'on double, hein, cela dit. Hein. C'est quand même pas mal, effectivement. Il est 6h33 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous remets la petite chanson qui m'a réveillé ce matin, voir si vous allez découvrir la titre. Et en attendant, c'est l'info en plus avant d'écouter David Guetta d'ailleurs. L'info en plus qui est quand même assez rigolote. Apparemment, le choix de la lingerie est lié à la crise économique. Ah bon ? Eh bien oui. En général, avant, c'était plutôt les dessous noirs et rouges qui étaient plébiscités. Ouais. Quand t'allais acheter ça pour ta copine ou elle-même, en général, pour réveiller l'essence de son homme, c'était plutôt le rouge et le noir, les couleurs auxquelles on pensait. Eh bien maintenant, ça a changé. On penche plus vers le violet. Ah oui, j'ai vu ça, mais c'est pas très beau hein, quand même. Hein. Mais enfin, ça va pas toutes les filles, quoi. C'était pas super terrible, effectivement. Ouais. Mais le violet, c'est une couleur qui donne confiance et qui revient aux vraies valeurs, en fait. C'est, ouais. C'est la sécurité, un retour aux valeurs et l'estime de soi. C'est ça que veut dire. Cette couleur représente ses valeurs, parce que chaque couleur a bien sûr sa symbolique. Bien sûr. Et donc maintenant, et ça a été prouvé, hein, maintenant, c'est un homme sur deux choisit un ensemble violet pour sa compagne. Ce qui est quand même énorme. 54% des hommes choisissent le violet parce que voilà, on revient aux vraies valeurs. D'accord, bah c'est pratique au moins si t'as une maîtresse, tu vois. Si 54% des filles portent du violet, bon bah, ça te permet quand même de faire des doubles cadeaux, tu vois. Tu peux acheter en gros, quoi. Bah oui, bien sûr. Bah, non, je dis ça, c'est pour Toff. Non, mais évidemment. C'est vrai, s'il achète en gros, ça lui coûtera beaucoup moins cher, évidemment. Mais personne, donc non, tu vois. C'est vrai. Oui, c'est aussi. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, il peut l'acheter pour lui-même, si j'admets. Il est 6h35 sur Fun Radio. Attention, toujours le petit son qui m'a réveillé ce matin. C'est quoi, à votre avis ? Proposé Earth, Wind & Fire. Ah, c'est la même époque, mais c'est pas ça. Yahoo ! Mais pourquoi tu fais ça ? Je sais pas, j'ai essayé d'enlever le chat qui est dans ma gorge. Et il est bien là ce matin. Voilà, si vous avez une idée, hein, le titre c'est Celebration. Ils avaient également fait Cherish, par exemple, c'était le slow, ça. Je suis sûr que Julie a dû emballer sur Cherish à l'époque. Bah si, quand t'étais jeune. Bon, il y a longtemps, mais quand t'étais jeune. J'ai emballé. Mais oui, t'as dû emballer avec ça. Hein. Voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est en 3 mots. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 € le message. Ou pour nos amis luxembourgeois qui peuvent jouer également avec nous, c'est au 621-783-605 que vous devez envoyer votre SMS. Bonne chance tout le monde. Allez, on va s'écouter du son d'Enis Flore. maintenant, tiens. Ouais, plaisir aussi, David Guetta et Usher. C'est Without You à 6h36. Cool and... Comment ? C'était David Guetta à l'instant. Pourquoi je donne un titre de, des années 80 ? Moi, je ne comprends pas. C'est bizarre. Il est 6h38 sur Fun Radio. Je n'ai rien dit. Non, non, je crois qu'une fois de plus, tu as lâché à moitié la réponse. Je n'ai... C'est pas t'empêcher, en fait. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Bon, on va parler de salaire maintenant. Tiens, ça va te mettre de bonne humeur, ça. Oui, alors ça risque de faire très, très mal. De très bonne humeur. Alors, même. Je ne sais pas si tu as vu le fameux film de l'année, presque même de la décennie, Les Intouchables. Eh bien, non. Et tu sais pourquoi ? Tu l'as toujours pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu parce que j'ai appris leur salaire, je me suis dit que je ne participerais pas à ce scandale. Alors, je vais expliquer pour les auditeurs, pour ceux qui ne sont pas au courant. Bien bon, donc Les Intouchables, c'est évidemment le long métrage, le film qui cartonne et qui a déjà dépassé quand même les 14 millions d'entrées, ce qui est énorme. Alors, juste pour vous expliquer, donc il y a François Cluzet et Omar Sy dans le film. François Cluzet, eh bien, il a reçu un salaire de 800 000 euros pour prendre le rôle donc de l'handicapé dans le film, et Omar Sy, il a touché, lui, 500 000 euros. Alors tu dis, bon, écoute, ce salaire, 800 000, 500 000, par rapport au salaire des stars américaines, c'est quand même trois fois rien. Non, mais d'accord, enfin bon, trois fois rien, c'est quand même pas mal. Oui, oui, c'est quand même déjà pas mal. Je veux bien prendre les 800 000 euros, c'est évident. Même 500 000, hein. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant, c'est ce qui se passe de plus en plus. Ouais, de plus en plus, quand les acteurs signent un contrat, eh bien, ils demandent à recevoir de l'argent sur chaque ticket de cinéma qui est vendu. C'est pour ça qu'ils acceptent d'être payés un petit peu moins cher. Et évidemment, là, le film fait un véritable carton. Donc, dans leur contrat, Omar et François touchent 10 centimes par entrée. Alors évidemment maintenant concrètement bah ils ont chacun gagné 1 million d'euros quoi. Oh là là, pour l'instant. Pour l'instant ouais. Bah enfin c'est bien mais non mais tant mieux s'il y en a qui arrivent à profiter du système, tant mieux, c'est comme les joueurs de foot. Tu sais, on les critique, bah non, ils ont raison, si on te proposait de gagner 200 000 euros par match, tu vas pas cracher dessus. Tu vas pas dire "Oh mon dieu, c'est trop." Tu vas dire "Bah vas-y donne hein, si t'es assez con pour me les donner, vas-y donne-les-moi." Ouais, ouais. C'est normal, tu vois, si on proposait à Jules de gagner 100 000 euros par flash. Mais y a pas de souci. Ah bah voilà, elle cracherait pas moi dessus. Moi je veux bien me sacrifier. Ben bah voilà, c'est ça. Elle veut bien être le cobaye de nouveau salaire, pourquoi pas. On va voir comment est-ce qu'on gère ça. Pas de souci, je vous ferai un petit rapport. Je pense que je peux gérer, moi. Je pense que je peux gérer. Oui, bah écoute, autant d'argent, je pense que ça peut être possible. Je me lèverai encore avec plus d'entrain. Plus de patates, c'est clair. Et je peux ne pas dormir hein, pour ce prix-là, il n'y a pas de problème. 6h40 sur Fun Radio. Dites-nous encore si vous avez regardé Total Blackout hier soir sur RTL TV et qu'est-ce que vous en avez pensé, sincèrement. Voilà, je dis ça. Parce que bon, j'ai pas trouvé ça terrible, hein, même loin de là. Donc, donnez-nous vos avis au 3044 ou alors sur le Facebook et sur le Twitter. Venez nous rejoindre. C'est sur MIKL officiel sur l'un et sur l'autre pour venir nous rejoindre sur l'un des deux. Voilà. Dans un instant sur Fun Radio, Robert Abigail avec Amor Prohibido. Ça va arriver dans un instant. Pareil avec l'infotrafic et la ligne anti-relou sur Fun Radio. Bon réveil avec nous. MIKL à la radio. MIKL revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. Oh, à la radio. Tu vois, Julie, au moins elle est gentille. Oui, mais. Ah ouais, mais voilà. Ah bon. Tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas faire de commentaires. Je n'ai rien à dire. Non, il est 6h44, juste, je n'ai que ça à dire. C'est l'infotrafic maintenant avec Julie, là, pas gentille. Accident voilà. Sur le 17 en verse en direction de Courtrai, à hauteur de Zendrecht. C'est donc en direction de Gent, donc de Gand. Et puis accident dans l'échangeur E40, Liège-Bruxelles, avec le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Zaventem, en direction de Waterloo. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et puis accident sur la 602, Chenet, en direction de Loncin à hauteur de Liège. Très bien, voilà, si vous êtes témoin d'autres problèmes sur les routes, signalez-le nous au 3044 par SMS ou alors sur mon mail mikael@funradio.be. On n'a pas de nouvelles de Love non plus encore, hein, donc si vous êtes témoin d'une Alfa Romeo qui roule à du 2 sur l'autoroute, dites-le nous, ce sera lui. Et puis ça y est, le stagiaire, Max, le stagiaire là. Vient d'arriver, mieux vaut tard que jamais. Voilà, bonjour à tous. Oh, toutes ces feignasses quand même qui arrivent à des heures incroyables. Et que Love prenne son temps, j'adore son siège. Mais... il est méga confort. Ouais, parce qu'il s'est installé à la place de Love. Alors, Love, il va stresser. Oui. Oh, comment on veut me remplacer? Il prend ses ailes, ce petit. Ah ouais, ben là, il y a un siège vacant. Il y a un siège vacant. Bien maintenant, non? Il a l'occasion. 6h45 sur Fun Radio, c'est Robert Abigail, pardon. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Tous les matins sur Fun Radio, nous sommes là avec Beyoncé qui arrive dans un petit instant. Ce sera Love on Top. Ça va faire plaisir, ça aussi, au moment du réveil. Ça va faire du bien, un petit son comme ça. Ça fait très, très années 80. Et en parlant d'années 80, justement, nous avons toujours notre petit son, bien évidemment, qui est au top des années 80 et qui m'a réveillé ce matin. Et qu'est-ce que c'est à votre avis? Petit indice, dédiqué. Parce qu'il y a un mot qui est dans son titre de sa chanson, Daily Cool. Oui, exactement. Voilà, merci Max le stagiaire d'appuyer mes propos. Quoi, il faut quelqu'un pour le faire quand même. Ben c'est oui, dur. Il appuie les propos. Ça ne sert à rien en fait, Max. C'est pour ça que je ne dis rien. C'est très pertinent ce que je dis. Non, ouais. Ça n'a rien de pertinent. Je n'irai pas jusqu'à pertinent, ah, mais bon. Musical. Voilà. Bon, voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est Celebration. Il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques. Bon, là, Max, comment non, mais il est loin. On est au taquet. Je vais que j'étais stagiaire. Ah oui, bah c'est ça. Hein. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63, 22, vous y allez, il n'y a pas de problème. Et puis pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez également participer en nous envoyant un SMS au 621-783-605. Oh allez, c'est parti. Oh nous allons... Ah bah voilà, l'aube vient d'arriver. Tiens, ça y est, c'est plié. Il était temps, 6h49. Bravo, mais le retard. Pourquoi tu es encore en retard? Mais parce qu'il a été chercher le pidej, alors non, du coup, ça permet de... Je t'ai été le chercher parce que tu savais que t'étais en retard. Voilà, c'est ça. mais bien sûr. J'ai déjà mangé, moi. Mais t'inquiète pas, elle va continuer. Elle va quand même... encore un petit peu. Si, t'inquiète. Bon, allez, on va s'écouter maintenant le premier message laissé sur la ligne anti-relou, car on est là pour ça aussi. Les messages qui arrivent au 0473 86 0013. Écoute, c'est ça. Oui, Vanessa, c'est moi. C'est pour te dire que, comme prévu, je suis là au rendez-vous. Je suis déjà entré dans la glacerie. J'ai pris la coupe de fraises comme tu me l'as demandé. Je suis là avec mon petit bouquet de roses. Donc, dès que tu me vois à table, parce que ta glace est déjà en train de fondre, donc ce serait bien que tu viennes le plus rapidement possible. C'est déjà la deuxième fois que tu me donnes un rendez-vous. J'espère que cette fois, au moins, tu seras présente. Mais qu'il y a un moment... Ouvre les yeux, il n'y a pas de relation, ça fait deux fois qu'elle te plante, c'est dingue d'être naïf à ce moment-là. Je veux bien que tu sois naïf, mais quand même, pas à ce moment-là. Pas naïf là, à ce moment-là. Ah ouais, c'est idiot quoi. Bon, allez, deuxième message. Bonsoir. Oui. Coucou. Je serais heureux de vous rencontrer. Je ne parle pas très bien très français, mais je comprends tout. Hein. Mais je vraiment, vraiment voudrais vous rencontrer. Je vraiment voudrais faire votre connaissance et continuer. S'il vous plaît, rappel. Ouais. C'est dur quand même. Hein. Non, mais bon, ça va. Peut-être qu'il a eu le numéro sur un site de rencontre. C'est vrai qu'il parle peut-être pas bien français, effectivement. Mais il essaye. Ça va encore. Ah, bien sûr, il faut essayer, c'est ça non, le problème. Mais par rapport à l'autre avec sa glace, là. J'ai déjà acheté ta glace, elle fond. Il y a un moment, si tu veux, faut y aller. Hein. 6h51 sur Fun Radio dans un instant. Tov va essayer de trouver des cadeaux de Noël en appelant la Belgique entière, évidemment, comme d'habitude. Et message chez Mickaël, il faut absolument passer mon message. Je veux faire plein de gros bisous à ma belle sœur Carmen qui écoute Fun tous les matins comme moi. C'est Steph de Liège. C'est bizarre que tu veuilles absolument passer le bonjour comme ça à ta belle-sœur. Il y a un truc chelou. C'est bizarre, c'est pas net. Moi, si j'étais la copine, c'est pas net. Allez, Beyoncé maintenant, c'est Love on Tap sur Fun. Le son de Beyoncé, l'instant sur Fun Radio, c'était Love on Tap tous les matins. Nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous, bien évidemment, avec vos messages qui arrivent aussi au 3044 et puis plein de gens qui répondent aussi par rapport à l'émission Total Blackout qui a eu lieu hier donc sur RTL et plein de gens qui se demandent aussi si on s'est un peu foutu de leur tronche. Hein, pour rester poli. Donc oui, voilà, les gens ne sont non, pas. La vraie question, parce que là j'ai un. Enfin, parce qu'il faut qu'on fasse un tri, là on n'arrive pas à choisir. Il y a tellement de merde. Mais il n'y avait pas d'équipe technique sur ce truc. Non, il n'y avait rien, franchement. C'est effectivement une question qu'on s'est tous posée. Il manquait tout, quoi. C'est bizarre. Mais par contre, les candidats, ils les ont bien trouvés. Ouais, ceux qui ont fait les castings, alors ça, c'était les meilleurs de l'émission. Bon, enfin, on en parlera. Je sais pas si c'est de la récup de confession intime. Je sais pas, mais il y a du lourd. On en parlera. Très, très lourd. On en parlera tout à l'heure. Bon, là, on va appeler pour que tu puisses avoir un cadeau de Noël gratuit pour Noël. On va d'abord trouver le cadeau. Oui, enfin, trouver le cadeau, oui, c'est vrai. Bon, on va appeler à Biercé. Allez, allons à Biercé. Allez, Biercé, c'est parti maintenant. Hier, t'as réussi à te faire inviter pour Noël, donc maintenant il faut trouver. Ce que je vais offrir. Ce que je vais offrir, effectivement. Oui. Allez, c'est parti. Allô. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir ce que vous alliez offrir pour Noël. À qui je viens, s'il vous plaît. À Toff. Vous êtes monsieur. Toff, avec PH à la fin. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. C'est normal de téléphoner à cette heure-ci. Écoutez, j'avais réfléchi à d'autres heures et puis je me suis dit tant qu'à faire le matin au moins les gens sont là, ils sont, voyez, vous comprenez, ils sont plus réceptifs quoi. Alors, 6h du matin. Bah voilà, c'est ça. Alors que l'après-midi, les gens ils sont occupés, ils font des choses alors que là vous faisiez rien. Oui. Bah, vous voyez. Bon, on fait rien à cette heure. Bah voilà, c'est pour ça, je me dis, c'est la meilleure heure. Ouais, ouais. On est sûr de pas déranger les gens, quoi. Non. Garant. Bah voilà. Quand alors, vous avez réfléchi à ce que vous allez offrir pour Noël ? Oui. Alors, dites-moi. Allez vous faire foutre. c'est un beau cadeau. J'aime bien le mec qui s'éclaircit la voix. Allez vous faire foutre. Bon, on le rappelle. Attends, tout en classe et en élégance. Évidemment, on est à Biercy quand même. Attends. Il avait un téléphone un peu pourri quand même. Hein. Oui, je m'excuse, mais c'est pas très esprit de Noël tout ça, monsieur. Vous avez le téléphone pour rien ? Bah oui, parce que vous savez, maintenant, il y a jusqu'à 8h du matin, c'est gratuit, donc. Ouais, ouais. Donc j'en profite, quoi. Ah ouais, vous avez raison d'en profiter. Bah voilà. Ah, vous avez raison d'en profiter, mais malheureusement, rien de plus. Hein, donc, on ne saura pas ce qu'il va offrir à Noël. Mais les gens préfèrent rester 3 minutes au téléphone à râler que de dire bah, je vais offrir ça et ça, merci, au revoir. Tu vois, c'est tout. Hein. Mais non, il râle et râle, et il faut qu'il râle. C'est quand même incroyable, hein, toujours d'être d'aussi mauvaise humeur. Quand mais même. C'est ça, je comprends pas. Le c'est mec, bizarre. Il m'aurait dit ouais, je vous offre ça, ça et ça. Bah, je lui ai dit merci, bonne journée. Ouais, voilà, c'est ça, c'était plié. Bon, allez, on revient dans un instant sur Fun Radio avec, eh bien, avec un petit son, là, le son qui m'a réveillé ce matin. Je vous le remets dans un instant. Et Andy Grammer, tout de suite, keep your head up. Andy Grammer sur Fun Radio à l'instant, keep your head up. Dans un instant, on vous rembourse vos factures au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Restez bien sur Fun Radio, ça va arriver dans quelques instants. Et puis on cherche toujours le son qui m'a réveillé ce matin. Vous le savez, sur une radio, il passe ça. Oui, ça peut arriver également. Et si vous savez qui chante, vous pouvez repartir avec vos écrans plats ou vos caméras vidéo numériques. C'est ceci. Come on! Voilà, si vous avez la bonne réponse, bon c'est facile, hein, c'est top des années 80 là. Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous débutez le message avec la réponse tout simplement. Et puis bon, on vous rappelle juste après pour vous offrir votre écran plat ou votre caméra vidéo numérique. Bonne chance tout le monde, le titre c'est Celebration. Et y a cool dans le nom, voilà. Bon, c'est pas non plus trop vous donner d'indice, après je crois que ce sera plié. Hein. On vous donne la réponse dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, restez bien là. Et dans un instant également, nous allons écouter le son. Qu'est-ce qu'on va s'écouter comme son ? Tiens, dans quelques instants, on va se mettre le son de Likili. Tiens, ce sera I Follow Rivers sur Fun Radio et ça va arriver juste après ça. Il est 7h sur Fun Radio. Encore un bon réveil à tout le monde. C'est le mardi 20 décembre ce matin et on passe à l'info. La météo sera juste après. Bonjour à tous. Grève sauvage de la SNCB ce matin. Une partie du personnel des gares de Mons, Tournai et Hatt se croisent les bras. Les lignes qui passent par ces gares sont donc fortement perturbées. Les raisons de cet arrêt de travail sont inconnues et l'ampleur de ce mouvement est encore incertaine. Il est possible que le personnel d'autres gares belges suive le mouvement. Une autre grève, cette fois générale, est prévue pour jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Train, bus, administration, courrier et peut-être enseignant. Le problème, c'est la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Et la commission des affaires sociales a déjà approuvé son projet hier. Les syndicats reprochent au gouvernement de prendre des décisions importantes en urgence et sans concertation. D'après Laurette Ankelings, ministre des Affaires sociales, dans la situation économique que l'on vit, il faut avancer vite. À noter que les syndicats rappellent le préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Les agents du centre de détention pour mineurs d'âge de Saint-Hubert sont entrés en grève hier après-midi. Ils veulent ainsi protester contre l'agression de 3 des leurs par des jeunes détenus au moyen notamment d'une fourchette. Les 3 gardiens ont été transportés à l'hôpital de Libramont. La police de la zone assure le travail au sein du centre. La grève est prévue jusque vendredi. Emprunter de l'argent coûtera plus cher, une conséquence directe de l'abaissement de 2 crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser les notes de crédit de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Cérémonie d'hommage à Liège aujourd'hui. Il y a une semaine, jour pour jour, Nordine Amrani a ouvert le feu place Saint-Lambert, tuant 4 personnes et en blessant 166 autres. Aujourd'hui à 12h30, les représentants des autorités et le prince Philippe et la princesse Mathilde déposeront une gerbe de fleurs à l'endroit du drame. Pour rappel, 6 personnes sont encore à l'hôpital entre la vie et la mort. mort. La Belgique comptera 13,5 millions d'habitants en 2060. Les raisons de cette augmentation de 25% par rapport à 2010 sont simples. L'augmentation de l'espérance de vie masculine, une reprise de la fécondité des femmes et davantage encore en raison de l'immigration internationale. Et puis la ville de Charleroi va lancer prochainement une action en justice contre le Sporting de Charleroi pour tenter de récupérer du côté du club de football quelques 2 millions d'euros. La ville et le Sporting de Charleroi s'opposent depuis plusieurs années sur le montant des loyers à payer pour l'occupation du stade communal. Dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Mickaël paye vos factures tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. Et je vous explique comment ça se passe après la météo. Justement, quel temps pour aujourd'hui? Alors, il va pleuvoir durant la matinée. Il y aura encore un petit peu de neige au-dessus de 400 mètres sur l'Ardenne. Mais il va faire de plus en plus doux, de 2 à 7 degrés aujourd'hui. Et puis surtout, il y a des éclaircies qui vont arriver dès cet après-midi. Demain, le ciel sera couvert et les températures grimperont encore un petit peu jusqu'à 8 degrés. C'est déjà ça de prix, hein. C'est pas encore le top du top, mais c'est déjà ça de prix. C'est horrible ton bruitage, enlève-moi ça. Bah oui, mais il pleut. Mais oui, mais cet après-midi, il y aura des éclairs. Oui, mais on est le matin là. Oui. On est la nuit même. Il fait encore noir, hein. C'est la nuit encore. 7h04 sur Fun Radio. Les factures, je vous les rembourse donc dans quelques instants, dans moins de 5 minutes si vous voulez. Et bien que je vous rembourse aux factures, inscrivez-vous dès maintenant 63 22 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 50 euros pour le dentiste de mon cheval, 70 euros pour le ferrage de mon cheval, décidément, 120 euros pour une guitare électrique, 200 euros pour Fun, 69 euros pour le cadeau de Noël de mon mari, etc. etc. 63 22 code facture, bonne chance tout le monde. Et en direct sur Fun Radio, donc dans quelques minutes, je vous rembourse vos factures. Ce sera après Likili, I Follow Rivers. 63-22, code facture, bonne chance. Et puis l'info en plus maintenant avec Julie. Eh bien alors, je suis entourée de garçons autour de cette table. Ouais, donc j'imagine hein. que tu kiffes. Complètement. Mais j'imagine que vous êtes très voiture. Bah écoute, pas tant que ça. Ça dépend, oui, bien non, sûr, ça dépend. Du tout, ouais. Max, je t'ai pas demandé ton avis. Mais l'Aube, par exemple. Bah oui, quand même. Mais non, il n'est pas très voiture, il a Alfa Romeo. Justement, les Ferrari, ça te donne des frissons. Tu as envie d'avoir une Ferrari ou quelque chose comme ça. Sur son Alpha, il a mis des petits autocollants. Justement, Mickaël, il y a un homme d'affaires italien qui ne pouvait pas se payer de Ferrari parce qu'il faut quand même avouer que c'est très très cher. Ah oui, ça c'est clair. Il a donc décidé de transformer sa Pontiac en superbe Ferrari 355. Problème, c'est déjà que maintenant. Il a une Pontiac. C'est ça. Et donc il a un petit peu bidouillé et jour après jour, il a réussi à la transformer en Ferrari. Donc j'ai carrément vu une photo, effectivement, on dirait tout à fait une Ferrari. Le problème, c'est qu'il est accusé évidemment de violation de brevet et de contrefaçon. Bah oui, forcément. Parce que ce n'est pas autorisé de bricoler comme ça sa voiture pour la transformer en Ferrari pour pas cher. Oui, parce que je comptais faire pareil avec ma deux chevaux. Eh ben écoute, voilà, donc, problème. Essayer, mais... Tu ne peux pas. Alors il a été arrêté pour un contrôle de routine par des policiers. Alors ils ont vérifié bien sûr les papiers de la voiture et ils ont vite ils ont remarqué vu Pontiac que... et pas Ferrari, quoi. Exactement, qu'il y avait marqué Pontiac sur les papiers du véhicule et que c'était très bizarre parce qu'elle ressemblait forcément à une Ferrari. Et donc maintenant, il risque une grosse amende. Il aurait pu payer sa Ferrari avec l'amende. Hein. Surtout que sa voiture risque d'être détruite parce que c'est une contrefaçon. Je trouve ça quand même assez gros, quoi. Ouais, moi, je pensais franchement, pas que c'est pas comme s'il allait. Aller si c'est pas comme s'il en avait fait 100 et qu'il allait les écouler, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pour son kiff perso, quoi. Bon, c'est dommage. 7h06 sur Fun Radio. Donc, si vous voulez voir l'Alfa Romeo tuné Ferrari de l'homme, n'hésitez pas, on fera des photos. On mettra tout ça sur le Facebook, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. Et pas des Ferrari, hein. C'est pas la peine de nous envoyer une facture de Ferrari hypothétique. Oui, voilà, j'en ai acheté une, 2 millions. Non, ça marchera pas. Hein. 7h07 sur Fun Radio et on écoute Likili maintenant, son que vous aviez découvert sur Fun. C'est I Follow Rivers. Et on me dit attention, Mickaël, Vince va te faire une blague. Oui, blablabla. Dans un instant sur Fun Radio, le son d'Overphonique avec Made About You, du bon son belge qui fait du bien par où ça passe. Et puis bah là, on va se faire maintenant les factures. On va vous les rembourser, les factures. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 code facture. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, c'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio à 7h10, 8h10 et 9h10. On appelle chez vous, chez quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Comme là, par exemple, 139 euros pour la télé, 136 euros pour Belgacom, 79 euros pour une perle Pandora pour nos 3 ans, j'en déduis. Mais c'est ultra cher ce machin-là. Ouais, c'est cher. 108 euros pour du carrelage, c'est Philippe. 113 euros pour Belgacom, 50 euros pour le dentiste du cheval, je l'avais déjà lu tout à l'heure, tiens. Ou encore ici, 50 euros pour la taxe, même pas de répit pour Noël. Bon, bah, on va payer celui-là, tiens. Allez, hop là, c'est parti. On va payer les taxes. Allez, on y va. Si ça sonne. Déjà, si ça décroche surtout et qu'on répond. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Mélanie. Mélanie. Disponible pour l'instant. Oh, Mélanie. Comme dirait que j'ai bien fait pour le numéro. Après le bip sonore. Merci. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, salut Mélanie, c'est Mickaël. T'es en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta taxe puisque tu nous envoies un message où t'es presque en train de pleurer. Ce que je peux concevoir, oui, 50 euros de taxe, même pas de répit pour Noël. On imagine que tu dis, je pourrais pas offrir de cadeaux à ma famille et à mes enfants parce qu'à cause de la taxe de Noël, je peux pas. Eh ben, on voulait te les rembourser justement tes 50 euros de manière à ce que tu puisses offrir des cadeaux, mais bon, malheureusement, donc, personne n'aura pas de cadeau. Tu n'as pas décroché. C'est même pire. T'es directement le répondeur, si je ne m'abuse. Eh bien, tant pis, tu retentes ta chance quand tu veux, Mélanie. Je te fais des gros bisous en tout cas. Et puis, les autres, vous le savez, quand ça ne décroche pas, on ne sélectionne que ceux qui vont s'inscrire dans la prochaine heure, c'est-à-dire entre 7h10 et 8h10. Voilà, vous vous inscrivez maintenant, 63-22 par SMS. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. À 8h10, on vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. Bonne chance, 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, il y aura l'horoscope de notre ami Doudou, bien évidemment. Et puis à 7h11, on va s'écouter maintenant une tuerie belge. Ça date des années 90, mais c'est très bon quand même. 2000 plutôt. Overphonic, maintenant, c'est Mad About You sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun. C'est le mardi 20 décembre ce matin et c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Qu'est-ce qu'il est bon, le son d'Overphonic à l'instant sur Fun Radio. Mad About You. Il est 7h15, bon réveil à Katy Perry dans un instant. Le nouveau The One That Got Away qui va débarquer sur Fun Radio. Et puis nous allons faire un tour du côté de l'horoscope maintenant. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est avec Doudou. Comment il va, Doudou, aujourd'hui? En forme? Ça va, mais ça... oui. Bah oui, bah tant mieux, écoutez. Hein. Vous avez prévu quelque chose là qui va pour le week-end prochain? Enfin, le prochain week-end plutôt? Ah bah pour le week-end, c'est la Noël. Hein. Bah oui, je sais, oui. Vous retournez là-bas? Oui, j'ai pas le choix. Ouais. Si la famille, si je suis pas là, ça va être un scandale. Si je vais pas à la messe, qu'est-ce que vous croyez? Bah j'imagine. Bon. Oh, attendez. Doudou les béliers. Oh là là, vous avez tendance à critiquer trop facilement vos collègues. Ah bon, bah je préférais l'horoscope de mon horoscope, mais d'une autre radio ce matin. Mais non, mais justement, cet horoscope-ci est vrai. Non, il est faux, c'est la preuve. Les béliers, Vous critiquez trop vos collègues. C'est pas vrai. Oui, je pense que Julie, elle est persécutée. Elle n'ose pas le dire, mais je crois qu'elle est persécutée. Oui, je pense, effectivement. Bon, les taureaux. Essayez de garder votre calme lors des disputes et ne dites rien que vous pourriez regretter plus tard. Les gémeaux. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les cancers, dans votre vie de couple, c'est l'harmonie qui règne et sachez apprécier cette bonne ambiance. Les lions. Mais oui, ça va être la fête ce soir. Les lions. Alors, pour retrouver votre paix intérieure et votre calme, retirez-vous un peu ce soir. Les vierges. Choisissez un autre jour pour vos projets importants. Les balances. Vous renforcez votre faculté de persuasion et vous travaillez de manière dynamique. Les scorpions. Prenez en compte les faiblesses des autres. Votre perfectionnisme est une qualité importante, mais il ne faut pas exagérer quand même. Les sagittaires. Dépensez votre temps plein d'énergie au sport. Cela augmentera votre bien-être et surtout sera un effet secondaire positif de faire perdre les kilos superflus que vous allez prendre au réveillon. Très bien, les capricornes. Continuez à suivre votre intuition. D'accord, ensuite les Verseaux. On vous demande un service qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes professionnelles et vous faire connaître de nouvelles personnes. Et puis pour finir, les poissons, Doudou. Votre partenaire se sent négligé, alors faites quelques efforts. Bon, et bien on vous retrouve tout à l'heure. Bah oui, si vous voulez, moi voilà. Je suis là. Hein. Bah très bien, tout à l'heure Doudou. D'accord. Et puis dans un instant, restez bien là car on va parler de Total Blackout. Cathy, hein, comment ça va se passer hein? C'est-à-dire que si tu chantes encore une fois pendant que je parle, je pense que je peux vraiment m'énerver. T'as compris Cathy? Je lui ai déjà dit en plus hier. Hein. Continue à faire la baline. Allez, vas-y maintenant, tu peux chanter. Le son de Katy Perry à l'instant. Dans un instant, il y aura aussi peut-être le son préféré de Julie. Je sais pas encore, celui de Julie et celui de Mirko, un auditeur fidèle d'ailleurs qui écoute souvent Fun Radio. Je ne sais pas. Bon, Total Blackout, on va en parler dans un instant. Avant cela, nous avons Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Bonjour, comment ça va Jonathan? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux alors Jonathan, sois le bienvenu. Alors toi tu nous avais envoyé un petit message parce que tu avais découvert le son que qui m'a réveillé ce matin, c'est-à-dire celui-là. Come on! Voilà, qu'est-ce que c'était ce son-là justement? C'était Cool at the Gang. Cool in the Gang avec Celebration. Eh ben écoute Jonathan, bravo à toi, hein, bonne réponse. Cette bonne réponse qui te permet de repartir avec ton écran plat ou ta caméra vidéo numérique qui arrivera chez toi le plus vite possible. Merci beaucoup. Mais écoute, je t'en prie, il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu, hein, et aucun souci, tu reviens d'ailleurs quand tu veux, il n'y a pas de problème. T'as prévu quoi d'ailleurs pour aujourd'hui? Tu vas travailler, tu vas au cours, tu fais quoi? suis dans les bouchons à Zaventem, je vais à Liège, je travaille. Ah, tu vas. Ah, tu fais Bruxelles-Liège, toi, tous les jours? Oui, pour le moment, oui. D'accord, bah t'as qu'à échanger avec l'OB, hein, il a qu'à vivre chez toi et inversement. Lui, il habite à Liège et il fait Bruxelles tous les jours, donc tu vois, au final. Ce serait pas mal, un échange de bons procédés. Ouais. Bon, bah salut Jonathan, tu restes au standard, d'accord? Merci, bonne journée. Salut, ciao à toi Jonathan. Et puis on va se faire une petite devinette qui colle dans un instant. Mais avant cela, et oui, je vous en parle depuis le début de l'émission. Hier sur RTL TV, il y avait Total Blackout. C'est une émission de très très haut niveau avec des candidats qui parlent comme ça. Oui, avec des candidats exceptionnels, je dois le dire, il faut le dire. Écoutez, écoutez Jean-Michel Zekai, il en peut plus, à un moment il en peut plus. Lâchez le prince. S'il vous plaît. Lâchez le prince. Je dois lâcher le prince. Marionnette. Lâchez la marionnette. J'ai rien compris. Enfin, elle est con, mon pote. Oh, je l'avais pas entendu celui-là. Il a, mais attends, mais ça, c'est des sons qu'on n'a pas vus hier. Bah, si, on les a vus hier, normalement. Ah, si. Ah, c'était quand? Bah, je sais plus. Je m'en rappelle pas. Quand tu étais occupé avec Chouchou. Ouais. Ouais, peut-être. Bon, et. Pareil que ça rend sourd. Hein. Et oui, donc, comme il dit, hein, Jean-Michel, il a raison. Hein. Il est con, en fait, effectivement. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas comme si c'était le seul, cela dit au passage. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un aquarium? Des poissons. Des poissons, oui, effectivement, des poissons. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver dans un aquarium. Et bien, des tortues. Ou une tortue. Ben, on peut trouver ça également. C'est un truc gluant. Ouais. Donc il y a comme du sable. Ouais. Ce serait pas un. Attends, il y a un truc, c'est tout gluant. Un poisson ou. Non, c'est collé à la vitre. Un laveur de vitre. Mais je pense qu'il pensait au. Il pensait peut-être au poisson, tu sais, qu'on appelle le laveur de vitre. Je pense que c'est ça. Mais bon. Il l'a déjà dit, poisson. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Bon, enfin bon, c'était incroyable. Et puis c'est tellement facile de mettre un laveur de vitre dans un aquarium, tu vois. C'est normal. Hein. Allez, oh, je pousse un peu, ça va rentrer. Bon, sinon, on a aussi eu droit à des hommes, des vrais, des forts, des mecs qui n'ont peur de rien. Vous êtes méchants. Vous détestez. Qu'est-ce que c'est que ça? Et dans la nuit anti-relou, on a parfois des mecs qui se trompent de prénom, mais bon, ce sont des relous, quoi. Donc si ça se trouve, ils n'ont pas entendu justement le prénom, ils n'ont entendu qu'une seule fois dans une boîte avec le bruit, c'est compliqué. Mais quand c'est votre copine que vous êtes à la télé, c'est évidemment tout de suite plus compliqué. Hein. Je ne veux pas. Oh, Jen, t'es où? Violaine. Mais qui se trompe de prénom de sa copine en direct à la télé, quoi. Sans déconner, le mec il est vraiment. Comment tu t'appelles? Le mec il s'est gouré, c'est quand même assez exceptionnel. Bref, et c'est pas terminé évidemment. Hein. Alors pour ceux qui auraient pas compris le concept, hein, comme pour L'amour est aveugle, tout se passe dans le noir. Non, je le dis parce que ça semble pas forcément évident pour tout le monde non plus. Hein. Je vois même pas mon nom. Maman, j'essaie de me voir et je me vois pas. Eh oui, je me vois pas. Je ne vois pas, hein, voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans le noir. En fait. C'est ça, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Hein, je pense que c'est tout. C'était marrant, hein, monsieur. Voilà. C'était marrant, hein, mais oui, c'était marrant, mais c'est tout, effectivement. Hein. J'irais plutôt pathétique, parce que l'émission d'hier était pas terrible. Mais c'était la première, laissons-lui le temps de s'installer. Je pense qu'il faut pas non plus être après, trop. C'est pas l'émission qu'il faut installer, hein, c'est les candidats. Oui, mais peut-être les candidats également. 7h24, on va s'écouter le son préféré de Mirko et de Julie maintenant. C'est le son de Bob Sinclair et du Colonel Rayel, c'est Mira la Gangsta. Je vais faire un tour. Hein. La la la la la la la la la la. Allez, Julie. Colonel Rayel. Non, Julie, arrête de chanter, ça commence à devenir pénible et ça emmerde tout le monde dans le studio là maintenant. Il y a un moment faut arrêter. Et moi j'étais parti faire un tour, je viens de revenir. Oh, en fait. La mytho était là. La la la la la. Oui, c'est ça. La la la la la la la. Bob Sinclair. C'est la chanson de l'année, ça. À l'instant, le code de Rayel, Mira la Gangsta sur Fun Radio. On est là tous les matins en direct avec vous toutes et vous tous. Il y aura Britney Spears dans un instant et puis avant l'info de Julie à 7h30, on va se faire la petite devinette qui colle. C'est pour repartir également avec eh bien tout simplement avec vos écrans plats ou avec vos caméras vidéo numériques. Écoutez bien, pas très aimé des citadins, enfants et vieux aiment l'attirer, il peuple pourtant toits et jardins et des escrocs, il est le jouet. Qui est-il? Il y en a beaucoup à Paris, par exemple. Je répète encore un coup. Pas très aimé des citadins, enfants et vieux aiment l'attirer. Il peuple pourtant toits et jardins et des escrocs, il est le jouet. C'est un animal volant. Qui ne sert à rien. Ah oui. Hein, voilà, merci. Ouais, je pense que là on a tout dit. Hein. Ouais. Je pense que tout est dit, voilà. Moi j'allais dire bague, comme on dit, mais voilà. Pas tout foutu. Oui, bague, effectivement, oui, c'est vrai. Si t'arrives à tirer une bague. Si t'arrives à tirer une bague, Seb. T'as pas dit tirer? Tirer. L'attirer. L'attirer, le faire venir. Oh là, c'est vrai. Petite bague, petite bague, petite bague. Mais non, mais elle a tiré mes bagues, c'est ce qu'ils ont autour de la patte. Attends, Seb, je crois que t'es sur une planète là. Ouais, ouais, c'est Seb le stagiaire. J'ai essayé de comprendre quelque chose, mais en fait, non. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous y allez, il n'y a pas de problème. Et dans un instant sur Fun, Britney Spears arrive. Britney Spears, ce sera Criminal. Et l'info de Julie, bien évidemment, arrive dans 3 minutes. Restez sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Message qui est arrivé aussi, je sais pas où Julie prend ses infos météo. Je suis sur le 40 sur Baptiste et il neige et il fait moins 2. C'est l'IRM qui me donne les infos, mais c'est bien aussi si vous qui êtes sur place, vous pouvez m'aider et vous envoyer vos petites infos et si voilà. Il neige là-bas, comme ça maintenant tout le monde le sait. Voilà, maintenant on sait que sur le 40 à Baptiste il neige, il fait moins 2, donc faites gaffe. Je ne sais pas tous les matins me déplacer dans toute la Belgique pour vérifier. Et elle devrait. Mais malheureusement, bon. Oui. Allez, 7h30 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec, avec l'info et Julie, c'est parti. Bonjour à tous, grève générale de la SNCB. Dans le Hainaut ce matin, une partie du personnel des gares de Mons, Tournai et Hattes se croisent les bras. Les lignes qui passent par ces gares sont donc fortement perturbées. Une autre grève, cette fois générale, est prévue pour jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Les transports en commun, Bipostes, les pompiers et les différentes administrations publiques, peut-être même aussi les enseignants. Le problème, c'est la réforme des pensions du ministre Van Quickenborne et la commission des affaires sociales a déjà approuvé son projet hier. Les syndicats reprochent au gouvernement de prendre des décisions importantes en urgence et sans concertation. D'après Laurette Engelings, ministre des Affaires Sociales, dans la situation économique que l'on vit, il faut absolument avancer vite. À noter que les syndicats rappellent le préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Les agents du centre de détention pour mineurs d'âge de Saint-Hubert sont entrés en grève aussi hier après-midi. Ils veulent ainsi protester contre l'agression de trois des leurs par des jeunes détenus. Les trois gardiens ont été transportés à l'hôpital. La police de la zone assure le travail au sein du centre. La grève est prévue jusque vendredi. Emprunter de l'argent coûtera plus cher. Une conséquence directe de l'abaissement de 2 crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser la note des entités fédérées et donc les notes de crédit de la région Wallonne, de la région Flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Cérémonie d'hommage à Liège aujourd'hui. Il y a une semaine, jour pour jour, Nordine Amrani a ouvert le feu place Saint-Lambert, tuant 4 personnes et blessant 166 autres. Aujourd'hui à 12h30, les représentants des autorités et le prince Philippe et la princesse Mathilde déposeront une gerbe de fleurs à l'endroit du drame. Pour rappel, 6 personnes sont encore à l'hôpital entre la vie et la mort. La ville de Charleroi va lancer prochainement une action en justice contre le Sporting de Charleroi pour tenter de récupérer du côté du club de football quelques 2,1 millions d'euros. La ville et le Sporting de Charleroi s'opposent depuis plusieurs années sur le montant des loyers à payer pour l'occupation du stade communal. Et puis enfin à l'étranger, Joseph Kabila doit prêter serment ce matin en République démocratique du Congo. Tshisekedi, son opposant, refuse toujours de reconnaître la réélection du président sortant. Il appelle même ses partisans à lui livrer Kabila. De quoi faire craindre des violences en République démocratique du Congo et inquiéter les commerçants du quartier Matongé à Bruxelles qui redoutent de nouvelles tensions et réprédations. Il est 7h33 sur Fun Radio, c'est Britney Spears qui arrivera dans un petit instant. Et puis là, on va s'écouter maintenant la météo. Justement, quel temps? On sait qu'il fait moins 2 et qu'il neige à Baptiste sur la 40. Et c'est sinon, déjà ça. Il pleut ce matin, mais normalement un temps progressivement plus sec gagnera le pays par l'ouest. Température de 2 à 7 degrés, il fait un tout petit peu plus doux. Demain, le ciel sera couvert et les températures grimperont encore un petit peu jusqu'à 8 degrés. Eh ben très bien, c'est la bonne nouvelle ça, tiens. Britney Spears, comme je le disais, ça arrive dans un instant avec Criminal et puis là c'est l'info en plus. Alors il y a quelque chose qui cartonne en Chine pour le moment et c'est assez surprenant. Ce sont des faux ventres de grossesse. Alors, c'est pour sont... gagner quoi? C'est pour gagner des congés maternité? Et non, pas du tout. Mais ils sont plus vrais que nature. La texture est super proche de la peau humaine. Et alors, sa forme se décline en 3 tailles pour chaque cycle de grossesse, évidemment. Et alors, donc, c'est un véritable trompe-l'œil parce qu'on dirait vraiment un vrai ventre une fois que tu le portes, bien évidemment. C'est pour faire peur à ton mec, c'est tarif. Tu dis oui, voilà, je suis enceinte. Ah merde. Et bien, en général, ce ventre de grossesse, les Chinoises l'utilisent pour savoir ce que ça fait d'être enceinte. Ah ouais. Déjà, premièrement. Et puis, pas mal l'utilise quand même dans les transports en commun. Ah oui, pour gagner une place et pour tout ça. Pour avoir des places assises, ouais. Ou même pour, tu sais, même les parkings aussi. Tu sais, parfois t'as des places de parking pour, ouais, pour les futures mamans, etc. Et ben voilà, maintenant les faux ventres de grossesse. C'est bon, ça, je vais m'acheter ça, moi. Petit pain. Oui, bien sûr, mais tout le monde va te croire que tu es enceinte. Bah oui, c'est pas mal. Bah en tout cas, en Chine, ça se vend comme des petits pains. Ah ouais, tu m'étonnes, tiens. 7h34 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Britney Spears dans un petit instant. Et je vous rappelle la devinette qui colle. Pas très aimé des citadins. Enfants et vieux aiment l'attirer. Le peuple, pourtant. Il peuple, pardon, pourtant toits et jardins et des escrocs. Il est le jouet. C'est un oiseau. On avait proposé une pie. Non, pas du tout. Ce n'est pas une pie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pingouin non plus. Ce n'est pas une chauve-souris. Ce n'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous envoyez ça au 6322. C'est un euro le message. Il y a des écrans plats à gagner. Ou alors des caméras vidéo numériques. 6322, c'est un euro le message. Ou pour nos amis Lulu, vous pouvez jouer en envoyant votre message au 621 783 605. Bonne chance tout le monde. C'est parti maintenant pour le son de Britney Spears à 7h35. C'est Criminal qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bon réveil. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde, il est 7h38, j'espère que ça se passe bien chez vous. Tout à l'heure, on va rappeler avec toi parce qu'il cherche un cadeau de Noël à offrir, puisque hier il s'est fait inviter par une non-auditrice en fait, hein. C'est simplement quelqu'un qui l'a appelé et qui a dit ok, tu peux venir. Voilà. Et donc une forcément. Dame sympa qui habite à Champion et que je remercie de m'accueillir. Voilà, et donc là il cherche un cadeau de Noël éventuellement. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous avez décidé d'offrir comme cadeau de Noël? Non, je dis ça parce que j'ai pas encore fait les courses. Bon, je risque de pas les faire, mais bon, au cas où. N'hésitez pas à nous donner quelques idées. Qu'est-ce que vous avez prévu d'offrir aux parents, aux copains, aux copines, etc. etc. Et surtout à vos hommes, parce que c'est super dur de trouver un cadeau pour un mec. Non, mais t'inquiète pas, là, tu m'achètes ce que tu veux, Julie. Julie, hein. Ouais. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas. 3044, allez-y, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Ah oui, il y a plein de réponses qui sont arrivées. Il y en a beaucoup de mauvaises aussi. Donc la pie, j'avais dit, c'était pas la bonne réponse. On proposait également qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, alors il y a beaucoup de mauvaises orthographes. Mais enfin bon, ça c'est un détail. On proposait également. Alors je l'avais vu tout à l'heure, une réponse qui m'avait bien fait rire. Oh, je sais plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était un oiseau aussi improbable, mais ce n'était pas la bonne réponse. Ah oui, le corbeau. Non, ce n'est pas un corbeau. La réponse qu'on cherche. Je le répète encore une fois. On ne sait jamais pour ceux qui viennent d'arriver. Pas très aimé des citadins. Enfants et vieux aiment l'attirer. Ils peuplent pourtant toits et jardins. Et des escrocs, il est le jouet. Qui est-il? Voilà, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Est-ce que les stagiaires ont un indice à donner éventuellement? Sandro, Seb, Max? Moi, j'étais pas là, je faisais mon boulot de stagiaire. Il est allé faire un café. Ah ouais, c'est vrai. Okay, on est Il y en a beaucoup à Paris. Ça, j'ai déjà dit, Seb. À Venise aussi. À Rome, oui, non, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'à Venise, il y en a encore plus qu'à Paris. Et oui, leur bague. Eh oui, bague, effectivement, oui, tout à fait. Sandro, un indice à donner? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien courir derrière. Ah bon? Oh super. L'indice de fou quoi. Merci pour ça en tout cas. Et donc, t'habites dans des endroits bizarres toi. Ils viennent nous les casser à la terrasse des cafés. J'ai pas entendu le dire, mais je sais que des cacahuètes et tout ça. C'est vrai, aux terrasses des cafés effectivement. On peut pas les nourrir près des appartements. Souvent, à la mer, souvent c'est interdit dans les immeubles de nourrir ces bêtes là parce que sinon ils viennent faire caca sur les balcons. Voilà, donc tout le monde a donné son petit indice. C'est bonne chance beau. Maintenant. 6322, c'est un euro le message. On vous appelle dans un instant pour vous offrir votre écran plat ou votre caméra vidéo numérique. Et ce qui arrive aussi dans un instant sur Fun Radio, déjà l'infotrafic évidemment, la ligne anti-relou et Rihanna avec Calvin Harris. Ce sera We Found Love dans 3 minutes sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Il est 7h44 sur Fun Radio. C'est l'info trafic maintenant. Il se passe quoi sur les routes, Julie? Soyez prudents, un camion est en panne sur le 34 Eindhoven, donc depuis les Pays-Bas en direction d'Anvers, à hauteur de Oulegem. C'est la bande de droite qui est obstruée. Et puis je vous rappelle cet accident sur le 17 Anvers en direction de Courtrai, à hauteur de Zendrecht. Très bien. Et dans une demi-heure, on jouera au blind test sur Fun Radio. Si vous voulez faire un petit blind test avec nous, n'hésitez pas. Il y a des cadeaux évidemment à la clé. Petit blind test chanson française. Voilà, vous y allez. Julie va vous aider, bien évidemment. Vous vous inscrivez au 6322. Vous débutez le message par test et on vous appelle dans moins d'une demi-heure pour jouer avec nous. 6322, débutez le message par test. Bonne chance. On va parler des cadeaux que vous avez prévu de donner à vos copains ou vos copines pour Noël également. Ça donnera des idées. Et on écoute Rihanna maintenant. C'est We Found Love sur Fun. C'est Fun Radio et Rihanna à l'instant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Tiens, pour les cadeaux que vous avez prévu d'offrir, alors qu'est-ce qu'il y a? Moi j'offre une Bentley à mon père. Mais oui, bien sûr, y a pas de mal. Hein. Miniature par contre. Oui, c'est ça. Attends, c'est pour ma mère un voyage et ma soeur un petit appart, bien sûr, bien entendu. Mais si, n'hésite pas, nous pouvons devenir amis. Hein. Je sens que t'as l'air quelqu'un de très intéressant. C'est vrai, il a l'air quelqu'un de bien. Un petit appart, mais tout le monde offre des apparts. Bah, bien sûr. D'ailleurs, Julie, elle nous en offrira un chacun. On lui a dit, non, ça sert à rien, on saura pas quoi en faire. Mais elle est tellement gentille, c'est normal. Je suis trop généreuse. Mais oui, tiens, comme cadeau pour ma meilleure amie, c'est un gros câlin car je ne lui en fais pas parce qu'on ne se voit jamais, mais tout cela est une surprise. Voilà, un ami à moi lui a donné rendez-vous à lui et elle ne sait pas que je serai là, c'est Lucas. Bah, peut-être que ça va pas lui faire plaisir, hein, si ça se trouve, on verra bien. Bon, si vous avez d'autres idées, qu'est-ce que vous avez prévu d'offrir à vos copains, copines, vous envoyez votre message maintenant au 3044 et puis on en parle dans un instant. Mais d'abord, évidemment, la ligne anti-relou maintenant, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 00 13. On écoute ça de suite. Oui, salut, bonsoir, comment vas-tu? En fait, je te sonnais parce que on a discuté un peu ici ce soir, il n'y a pas longtemps, sur MSN. On avait déjà fait connaissance auparavant et c'est vrai que ça faisait un petit temps et voilà, on a repris contact ce soir. Voilà, j'ai eu ton numéro, on a parlé pour ce vendredi, j'espère que c'est toujours l'actualité. Je te recontacterai, j'espère que ça va au téléphone avant vendredi. Voilà, bonne soirée, à bientôt, bisous. Ouais. Bon, ça va encore, il a fait connaissance sur MSN, il a pas l'air plus relou que ça, il demande simplement un rencard, voilà, rien de grave quoi. Non, mais ça c'est va. C'est juste la meuf qui s'est foutue de sa gueule. Ouais, quoi. Ouais, non, ça bien sûr, mais bon. Deuxième message. Ouais, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu voulais bien qu'on se donne rendez-vous au Quick Café Hero. T'es pas venu, en plus tu m'as dit que ça t'expliquerait si je viendrais à pied en gonzette. Moi je suis venu habillé en gonzette et toi t'es pas venu. Tu sais quoi ce t'appelle? Et tu vas revenir tôt. Dis-moi quoi, hein? T'as pas mon numéro de téléphone, mais je tiens, t'en casse pas, je te retournerai à T4. Ciao, ciao. Surtout le ciao ciao, tu sais, il est bien violent, t'as peur hein, quand il termine avec ciao ciao. Oh, tu te dis, mon Dieu, que va-t-il se passer? Il va me tuer, mon Dieu, il se passe quoi? Je te retrouverai un de ces quatre. Mais oui, je te retrouverai. Hein. Bon, 0473 86 00 13. Retenez bien le numéro de la ligne anti-relou, il est à donner à tous les relous que vous risquez de croiser. Tiens, en parlant de cadeaux, alors là, attention, on est au top du cadeau. La vareuse du Real de Madrid et le coffret Apocalypse d'Hitler. Et ça c'est bon. C'est un cadeau de Noël. Ça, hein. Tu sens le truc, c'est... tu vas le déballer, ah ouais. Tu vas te faire waouh! C'est pour mon amoureux, dis-toi. C'est un truc cadeau. Joyeux et tout, c'est bonne nouvelle quoi. Oh, c'est... Je suis super fan de l'histoire. Hein. Oui, j'y non, mais peut-être. Pas mais... un si beau cadeau. Pour Noël, c'est bizarre quoi. C'est vrai que c'est pas super glamour. Un bon go à ton homme, comme ça t'en profites aussi. Oui, c'est pas mal ça. Ouais, mais ça c'est. Ouais. C'est... Bah, ouais, bah quoi. Ça c'est le genre de cadeau où effectivement t'as l'impression que tu te le feras toi-même un petit peu aussi. Ouais mais c'est bien. Un soin visage et massage pour mon amoureux. Oh, c'est mignon. Bah oui mais pourquoi pas tiens. 7h50 sur Fun Radio, continue à nous dire au 3044 et sur le Facebook et le Twitter de l'émission, vous tapez MIKL officiel et on va s'écouter maintenant le son de Global DJs, Hardcore Vibes. Juste après, Top va appeler des gens pour essayer de trouver un cadeau de Noël, justement on est en plein dedans là. On appelle un petit peu partout en Belgique d'ailleurs, si vous avez des numéros à nous donner, 3044. Allez-y, on appelle après Global DJ sur Fun. 7h54 sur Fun Radio, c'est Ina qui arrive dans un instant avec Juan Magan. Ce sera un momento. Tiens, il y a un message qui est arrivé. J'ai pris pour mon père un stage de pilotage en Ferrari. Pas mal, c'est sympa aussi comme cadeau. Y a quoi aussi? Moi, j'ai un iPad 2 pour ma femme. Ah ouais? Ah sympa hein. Ouais, sympa. C'est dommage qu'elle sache pas s'en servir quoi. Ouais, un saut en parachute, je sais pas en faire, mais c'est pas grave, c'est un chouette cadeau aussi, cela dit. Hein. Je lui offre une journée pour faire les magasins avec un budget de 500 euros. Pas mal, très bonne idée. Pour tenir deux ça dépend, ça fait plaisir à Julie. Ça ouais. Dépend du magasin. Ça dépend du magasin. Plaisir. Parce qu'il y a des magasins avec 500 euros, t'achètes ton sac et puis c'est plié quoi. Et encore. C'est juste la porte-clé. Ouais, c'est ça, parfois c'est juste la ronce effectivement. Bon, si vous avez d'autres idées cadeaux pour Noël, faites partager. Qu'est-ce que vous avez décidé d'offrir à votre copain ou votre copine par exemple? 3044 pour nous le dire. C'est 50 centimes le message, ou alors vous me faites un mail, hein, mikl@funradio.be. Bon, Tof, on va toujours essayer de trouver des idées de cadeaux de Noël, justement. C'est ça, exactement. On avait essayé d'appeler à Bircé tout à l'heure. On va appeler à Aïe maintenant. Oui, allons à Aïe, ça pue. Allez, c'est drôle ça, l'homme. Aïe, ça pue, c'est pas terrible. Quelle belle vanne. Hors antenne, t'en aurais fait une meilleure, ça veut dire. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle à Aïe directement, puisque hier, je rappelle que Tof a réussi à se faire inviter pour passer les fêtes de Noël. À Champion. Bah ça s'organise. Hein. C'est vrai, ça s'organise tout doucement. Justement, aller chercher un cadeau. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir ce que vous alliez offrir pour Noël. Écoutez, monsieur, je crois pas qu'à cette heure-ci, c'est le moment de discuter de ça. Je ne sais pas, vous voulez quoi? Bah, savoir ce que vous allez offrir pour Noël. Parce que, en gros, il paraît que c'est la tendance est aux sous-vêtements pourpre et violet. Oh, écoutez, je suis pas intéressé. Merci, au revoir. Ouais, c'est la petite dame. Ouais, elle est pas intéressée. Tu sais, à chaque fois que tu lui poses la question, t'as l'impression que tu vas l'agresser. Mais vous pensez que c'est moment de rigoler avec ça? Bah, oui, je te pose pas non plus une question surréaliste. On non, rappelle. Mais c'est ça, tu sais, je leur demande pas des trucs de ouf. Bah, hein. Oui, c'est ça, on rappelle. Direction. Ah, il y a nouveau. Peut-être tomber sur monsieur. Eh, t'as rien d'autre à faire. Ah, bah voilà. Ah oui, c'est plus rapide que monsieur. Hein. C'est monsieur beaucoup plus rapide. Oui, oui, oui. Bon, on va le rappeler parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment. Il avait une voix, tu sais, qui donnait envie de rappeler. Il n'y a rien à faire, hein, c'est comme non, ça. Il inspire la gentillesse. Ouais, on rappelle. Hein. On rappelle. Oui, excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Donc vous allez offrir quoi pour Noël? Eh, t'es un gros malade, toi. Attendez, moi je vous appelle, je vous pose une question simple. Je veux juste savoir ce que vous allez offrir pour Noël. Va te faire foutre. Et n'appelle pas 15 fois. On t'aura cransonné, c'est bon. D'accord. Mais ça se fait pas de raccrocher au nez, monsieur. C'est ça pas... se fait pas, va niquer ta mère. Et toi, t'as fait quoi, ta femme ou ta mère? Elle bah... s'est reculée, là. Oh, c'est dur, ça. Oh, ouais, ah, ouais, mais hey, on est tombé sur un Marseillais. Ouais, hein. En appelant Aïe, il y avait quand même une chance sur un million de tomber sur un Marseillais. On est tombé sur un Marseillais. Voilà, bon, ben, voilà. Qui se prenait pour un Marseillais? Ah, ben, parce qu'à Marseille, quand on dit va te faire enculer, ça veut dire simplement bonjour. Hein. Non, mais tu vois, c'est pas des chances. C'est pas de sympathie là-bas. Ah, ouais, c'est parce qu'on t'aime bien. Hein. C'est ça, c'est normal. Bon, allez, on rappellera dans un instant encore d'autres personnes. Et puis par rapport au cadeau, là, il y a un voyage au Canada avec 1000 euros de budget pour faire ce qu'on veut. Ça va, c'est sympa. Je lui offre une bague, la mienne, car on se sépare. Ça, c'est bon. Ça, c'est drôle ça. Allez, joyeux Noël et casse-toi. Ouais, c'est ça. Un match de rugby France-Angleterre pour moi-même. Mais oui, il faut se faire des cadeaux parfois. Mais oui, il faut savoir se faire plaisir dans moi, je n'offre rien, pas d'argent, c'est la crise. Je leur offre mon amour et mon affection. C'est mieux qu'un cadeau, au moins il vient du cœur. Ouais, bon, on est bien. Facile. Ah, on est bien avancé, tiens, avec ça, tiens. Non, mais si, bon. Ouais, tu prends une grande feuille blanche et t'écris dessus mon je amour. Je l'aime, je t'aime. Ouais. Et elle va dire et. C'est tout, c'est tout. Ah bon, d'accord, je m'attendais à un truc en plus. Bon, on écoute Inam maintenant sur Fun Radio. Et Juan Magan, c'est Un Momento, bon réveil. Il est 7h57 sur Fun. Ina sur Fun Radio et Florida arrive également. Et puis plein de messages encore par rapport au cadeau que vous avez prévu d'offrir à votre copain, copine, même les parents, pourquoi pas. J'offre un cadre photo numérique à ma femme, car elle achète toujours de nouvelles cartes au lieu de les vider en les mettant sur CD. Oui, évidemment, si effectivement elle achète à chaque fois des cartes nouvelles, c'est un peu ridicule, c'est clair. Un week-end dans Talasso pour ma copine et pour moi. Hello Mickaël et l'équipe, pour la Noël j'ai réservé dans un château une chambre avec grande vue sur le jardin principal, plus menu 5 services et Sébastien. Ça va, c'est sympa ça. Hein, on se fait pas chier. Hein. Ouais, non, franchement c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a bien raison. Bah oui, il a raison, bah surtout que sa copine a de la chance pour le coup, c'est pratique. Mais le week-end dans Talasso, c'est une excellente idée. C'est une idée, ça fait plaisir aux deux, c'est ça qui est bien. T'as pas l'impression de gaspiller l'argent dans un, tu vois, fond perdu, tu profites quand même un minimum. Bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. 3044 évidemment. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats ou vos caméras vidéo numériques. Pas très aimés des citadins. Enfants et vieux aiment la tirée. Il peuple pourtant toits et jardins et des escrocs. Il est le jouet. Qui est-il? Il roucoule également. Donc voilà, ce n'est pas une pille. On l'avait dit tout à l'heure. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 euro le message. Il y a des écrans plats ou des cadres photo. Pas du tout. Des écrans plats ou des caméras vidéo numériques qui sont à gagner. 63-22, 1 euro le message, bonne chance. Ou alors pour le Luxembourg au 621-783-605. Tiens, les Luxembourgeois, vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu comme cadeau. Hein. Ah oui, une ben Ferrari, ça va faire mal. Un nouveau compte en banque, une carte Visa Platinum. Oh ouais, c'est sympa là-bas, dis donc. Hein. On rigole. Voilà. Il y a aussi des pauvres au Luxembourg qui gagnent moins de 50 000 euros par an. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Il est 8h01 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est le 20 décembre aujourd'hui et c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, grève sauvage de la SNCB dans le Hainaut ce matin. Une partie du personnel des gares de Mons, Tournai, Ath et Braine-le-Comte se croisent les bras. Les lignes qui passent par ces gares sont donc fortement perturbées. Des trains vers Bruxelles et la Flandre ont été supprimés. Une autre grève, cette fois générale, est prévue pour jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Les transports en commun, bipostes, les pompiers, les différents différentes administrations publiques, mais aussi de nombreuses écoles seront fermées. Le problème, c'est la fameuse réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Et la commission des affaires sociales a déjà approuvé ce projet hier. Les syndicats reprochent au gouvernement de prendre des décisions importantes en urgence et sans concertation. D'après Loretta Collings, ministre des Affaires sociales, dans la situation économique que l'on vit, il faut absolument avancer vite. À noter que les syndicats rappellent le préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Les agents du centre de détention pour mineurs d'âge de Saint-Hubert sont entrés en grève eux aussi hier après-midi. Ils veulent ainsi protester contre l'agression de trois des leurs par des jeunes détenus. Les trois gardiens ont été transportés à l'hôpital. La police de la zone assure le travail au sein du centre. La grève est prévue jusque vendredi. Emprunter de l'argent coûtera plus cher. Une conséquence directe de l'abaissement de deux crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser la note des entités fédérées et donc les notes de crédit de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Mais comment réagissent les Belges face à la crise? Eh bien, près de 60% des Belges n'ont pris aucune mesure à la suite de la crise financière et n'envisagent pas non plus de le faire. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le CRIOC auprès de 842 personnes issus de tout le pays. Par contre, 14% des citoyens auraient pris des initiatives. Par ailleurs, une personne sur cinq préfère attendre d'abord afin d'y voir plus clair. Cérémonie d'hommage à Liège aujourd'hui. Il y a une semaine, jour pour jour, Nordine Amrani a ouvert le feu place Saint-Lambert, tuant 4 personnes et blessant 166 autres. Aujourd'hui, à 12h30, les représentants des autorités et le couple princier déposeront une gerbe de fleurs à l'endroit du drame. Pour rappel, 6 personnes sont encore à l'hôpital entre la vie et la mort. La ville de Charleroi va lancer prochainement une action en justice contre le Sporting de Charleroi pour tenter de récupérer du côté du club de football quelque 2,1 millions d'euros. La ville et le Sporting de Charleroi s'opposent depuis plusieurs années sur le montant des loyers à payer pour l'occupation du stade communal. Et puis enfin, à l'étranger, Joseph Kabila doit prêter serment ce matin en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, son opposant, refuse toujours de reconnaître la réélection du président sortant. Il appelle même ses partisans à lui livrer Kabila. De quoi faire craindre des nouvelles violences en République démocratique du Congo, mais aussi au quartier Matongé à Bruxelles. Il est 8h04 sur Fun Radio et dans un petit instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser intégralement vos factures. Ça va bien se passer, vous allez voir. Et puis on va se faire la météo d'abord. Il pleut un peu partout ce matin, mais le temps redeviendra progressivement plus sec cet après-midi. Les températures seront un petit peu plus douces, de 2 à 7 degrés. Demain, le ciel sera couvert et les températures grimperont jusqu'à 8 degrés. Eh ben, très bien. Et donc, je rappelle qu'il fait toujours moins 2 sur la E40 à Bâtisse. Donc, c'est un auditeur qui nous avait dit ça tout à l'heure. Il faut pouvoir le préciser quand même. Peut-être qu'il fait 2. Peut-être qu'il fait... Non, moins 1, à mon avis. Allez, 0. Oui, peut-être. Allez, dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Restez sur Fun. Ça sera dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Les factures, je vous les rembourse sur Fun Radio. C'est dans moins de 5 minutes que ça va se passer. 6322 code facture si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures. Je vous rappelle qu'à 7h10, ça n'a pas décroché. On était tombé sur le répondeur. Du coup, on appellera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. C'est la règle. On proposait 65€ pour la taxe poubelle chez Geneviève, 52€ pour une tenue sexy. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a également? 100€ pour un lit pour bébé, 69€ pour un pack Guitar Hero, 135€ pour l'assurance voiture, 75€ pour le cadeau de Noël de ma fille, 62,40€ pour des parfums Armani, c'est les cadeaux de Noël. 36€ pour les contributions. Oh, ça va, hein, contribution à 36€, j'aimerais bien voir les mêmes. Hein. 99€ pour des bottes pour ma fille. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle pour vous rembourser vos factures, un seul numéro, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Florida arrive dans un instant, mais avant cela, l'info en plus. Eh bien, Toff en a un tout petit peu parlé pendant qu'il a fait son appel crétin, hein, on peut le dire, de ouais, tous les matins. À l'ancienne. À l'ancienne. Hein, il a affirmé donc que la tendance était à la lingerie plutôt couleur violet. Oui. Alors en fait, le choix de la lingerie est lié à la crise économique, selon une étude tout à fait sérieuse. Donc les dessous noirs et rouges ont été évincés par des ensembles violets et pourpres. Mais pourquoi? Eh bien, chaque couleur a forcément... La question, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, ça ne va pas à toutes les filles. Hein, c'est... Non, déjà, le violet ne va pas à toutes les filles. Ouais. Surtout, ça va surtout aux brunes. Bon, comment en blonde. c'est vrai. Précise comme ça. Alors, chaque couleur a. Ah, ça, c'est message pour chouchou, hein. Non. Pas du tout. Chaque couleur a sa symbolique. Alors, pourquoi la crise nous pousse vers le violet? Eh bien, en fait, tout simplement parce que cette couleur est plutôt pour les personnes qui recherchent la sécurité, un retour aux valeurs et à l'estime de soi. Oh, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'ils vont offrir de stagiaires à leurs copines, là? Max. Ah non, non, elle écoute, là je peux pas. Bon, dis-moi dans l'oreille. Je vais pas pouvoir le balancer. Dis-moi dans l'oreille. Rien. Dis-moi dans l'oreille. Un God Michel, c'est quand même. Enfin, moi, à sa place, je le vivrais quand même relativement mal. Hein. Seb, le stagiaire. Mais je suis pas déjà le plus beau cadeau, quel est? Ah ouais, non, là vraiment pas. Non. Putain. Pour le coup, pas trop. Ah non, vraiment pas. Tiens, sinon, il y avait un autre message de Mirko qui dit: je me suis inspiré de Toff et j'offre un calendrier de mon charmant corps nu. Ah bah là on va être au top. Allez, je vous rembourse vos factures dans un instant sur Fun Radio et on écoute Florida tout de suite. C'est Good Feeling. Bon réveil avec nous. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et dans un instant on va faire également un petit blind test. Donc si jamais vous voulez jouer avec nous pour faire le blind test, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous nous envoyez un petit message au 6322. Vous débutez votre message et bien simplement par test pour le blind test. Et puis on vous appelle d'ici quelques instants en direct pour faire un petit blind test spécial chanson française. Voilà, 6322 code test avec votre numéro de téléphone et on vous appelle. Voilà, on va appeler maintenant quelqu'un pour lui rembourser ses factures, enfin sa facture en l'occurrence. Quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322. C'est parti, on appelle. Si ça décroche et que ça répond bien à la question, c'est gagné. Alors, pour mon frère, j'ai acheté une poupée gonflable. Allô ? Bonne idée. Allô, bonjour ? Oui, bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? Nickel de Fun Radio. Mais oui, exactement. Bravo à toi. Comment tu t'appelles ? Nathalie. Salut Nathalie, tu as quel âge ? J'étais dans quelle ville ? 25 ans, je suis Marcinelle. De Marcinelle, la région de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Dis-moi Nathalie, tu voulais acheter quoi ? Un ensemble de Mère Noël. Un ensemble de Mère Noël. La chance. C'est bon ça. Dis-moi, tu fais quoi vendredi ? Vendredi, rien. Ah bah voilà, ce serait bien que tu viennes, on va faire l'émission en direct du Mont des Arts à Bruxelles sur la piste de ski et on va essayer d'être un maximum de Père Noël ou de Mère Noël. Oui, Mère Noël, je serais. Donc voilà, si t'as ta tenue en plus sexy, alors tant qu'à faire. Il y aura plus de peau que de doudoune, je crois. Bon. Eh bien, ça va, n'hésite ça pas. Va. Bon, on va te rembourser ça coûte combien ? 78 euros. Oh merde! Ah ouais, je m'attendais. Bon, les 20 ans comme ça, c'est cher aussi, hein. Ouais, mais je m'attendais à beaucoup moins cher, moi, quand même. Ça couvre juste les seins et le touche, pareil. En plus. Dis donc, t'es au chaud comme la braise, toi, Max. Comment ça se passe? Mère Noël, là, je suis. Lui, il a entendu Mère Noël, le stagiaire, là, il est au taquet. Surtout pour une tenue que tu peux mettre qu'une fois par an, quoi. En plus. C'est un peu cher. Ouais, bah ça, ouais. Et la crise économique dit du violet. Et non pas. Mais Max. Et donc, Max. J'écoute tes infos. Ouais, bah il fait semblant, mais enfin bon. Bon, Nathalie, en tout cas, on va te rembourser. Ouais. Tes factures, il y a pas de problème, 78 euros, donc c'est bien cher, mais bon, pour une tenue sexy de Père Noël. Je te fais des bisous, Nathalie. Ok, ben grand merci. Je t'en prie et reste bien au standard. On va prendre tes coordonnées. Bye, bonne fête aussi, hein. Merci, ciao, bye bye, Nat. Et si vous voulez faire comme Nathalie, eh bien qu'on vous rembourse vos factures, ça se passe dans moins d'une heure. On remettra le couvert encore une fois, évidemment. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Le blind test arrive dans un instant sur Fun Radio. Et il y a aussi le son de Rio qui arrive avec Eugene. Turn this club around. Ça arrive après ça sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 8h18 sur Fun Radio, Chris Brown et Pitbull. Dans un instant, ce sera International Love. Et puis, souvenez-vous, à 7h10, on avait appelé une fille pour lui rembourser ses factures. Je me souviens plus de son prénom, Mélanie, je pense. Et qui m'a envoyé un message. Sorry, j'étais en ligne avec mon patron quand vous avez sonné pour me rembourser ma facture. Merci quand même. Bah, coûte de rien, on est déçu malgré tout que tu n'aies pas décroché. Mais bon, c'est comme ça. Tu retenteras ta chance quand tu veux. Y a pas de problème. Bon, on a Olivier et Stani qui sont avec nous maintenant. Bonjour tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, bien. Eh ben, tant mieux. Alors, qui a la voix aiguë ? C'est Stani, ça, non ? J'en sais rien. Ah, non. Ah non, c'est l'inverse. C'est Olivier qui a la voix aiguë et Stani, il a la voix grave. Très bien. Alors, Olivier et Stani. Bon, on va prendre Olivier puisqu'il est sur la ligne 1, par exemple. Tu peux jouer avec l'aide de quelqu'un dans l'équipe. Tu choisis notre stagiaire Max ou tu choisis Julie ? Ah, tu dis quoi, Olivier ? Non, coupe ta radio, coupe ta radio. Coupez votre radio tous les deux. Apparemment, c'est très difficile. Non, c'est chanson française. Coupez votre radio tous les deux. Bon, et Stani, tu joues avec qui toi du coup, avec Max le stagiaire? Ah non, moi j'ai fait Il peut pas, il les connaît. Ah oui, c'est vrai. Ou alors il veut gagner direct. Eh ben on va dire Sandro le stagiaire alors. D'accord Stani? Oui, ok. Bah voilà, très bien. Donc Olivier joue avec Julie et Stani joue avec Sandro le stagiaire. Attention, je fais démarrer la première chanson. Donnez votre nom d'abord, d'accord? Oui. Allez, attention, on y va, c'est parti, j'enlève la musique, vous êtes prêts? C'est parti, c'est parti. Oh, c'est beau. Ah oui. Oh là là. Julie, on danse. Ah oui, je vois. C'est une femme qui chante. Ouais, je vois pas du tout. Oui, Stani. Julie Delapie. Ah non. Non, Julie, Céline Dion. Olivier, ouais. Olivier. Ah non, Julie a effectivement dit Céline Dion. Mais t'inquiète pas, Olivier. Ne t'inquiète pas, Olivier. Ne t'inquiète pas, Olivier. Julie avait bien répondu également. Tu as un point. Deuxième chanson. Allez, on Olivier, y va. On c'est y va. Parti. Ouais. C'est plus compliqué là. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est, mais impossible le nom. Allez. Pourquoi pas. Allez. Ouais. C'est récent. Stani. Mais oui, c'est récent. C'est récent. Le collectif métissé. Le collectif métissé, bonne réponse. C'est la musique de Doudou, ça. Eh ben voilà, oui, exactement, oui. La bonne réponse, donc, de son rôle stagiaire qui nous fait que bah, Olivier et Stani ont un point chacun. Attention, chanson suivante. Ah oui, la B. C'est pas la B? C'est pas la B, non. La B de C. Ah, la B de C, effectivement. Bonne réponse de Sandro le stagiaire. C'est moi qui l'ai lancé sur la B, j'ai dit la B. Attends, ça va ou quoi? On appelle tous la B ici. Ah bah ouais, bah ici. Pourquoi on dit la B de C? Parce que j'ai dit avant. Attends, ça va, mais n'importe quoi. C'est la B de C. Je peux expliquer, c'est la B de C parce que c'est quand il fait des chansons un peu pourries. Quand il fait du rap conscient, c'est la B7. Voilà, mais la B de C. Dans la vie tous les jours. Bon, allez, hop, titre suivant. Pour l'instant, c'est 2 points pour Stani, 1 point pour Olivier. On y va, c'est le suivant. Écoutez bien. Moi j'ai besoin d'amour. Laurie. C'est oui, bonne réponse de Sandro. Bah, en même temps, moi j'aurais honte à votre place. Hein. 3-1, 3-1, attention, le dernier. On y va. Je pense pas que tu joues, toi. NTM. Eh oui, bonne réponse, NTM. Bon, ça fait que 3-2, malheureusement. Hein. Ouais, mais attends, j'avais la B, donc j'ai gagné normalement. Bah non, t'as Olivier, pas gagné. Normalement, non. On a gagné. Quoi. Olivier, malheureusement, tu as choisi le mauvais cheval. Voilà, c'est la mauvaise pouliche, hein, si je puis me permettre. Désolé, mais c'est moi qui ai donné. Enfin, ouais, laisse tomber. Eh ouais, malheureusement, tu as choisi le mauvais cheval, c'est Olivier. C'est terminé, moi je joue plus avec vous, vous êtes une bande de tricheurs. Je suis très déçu, Olivier. Stani, en tout cas, c'est gagné. Bravo, Stani de Twin. Et si vous voulez vous aussi. Et attention, et pas bravo à Julie, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je donne la réponse la B, et puis l'autre il réplique derrière la B de C. Bah ouais, tu m'étonnes. N'importe quoi. Ah ouais, déception totale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, bah bravo Stani, reste au standard. On va prendre tes coordonnées dans un instant. On va sur la déclaration express aussi. Et on s'écoute Chris Brown et Pitbull maintenant. C'est International Love. Hein, on dit encore une fois bravo à Julie. Chris Brown à l'instant sur Fun Radio avec Pitbull, International Love. Encore un petit cri de soutien pour Julie. Et oui, qui a perdu au blind test, je tiens à le préciser une fois de plus. Ceux qui ont écouté savent très bien qui a gagné ici. Oui, bah oui, en l'occurrence, effectivement, c'est Sandro. Merci. Et c'est ouais, Sandro qui a gagné avec Stani. Hein, c'est... voilà, tout est dit, je pense. Ça te fait quoi de te faire la balle par un gamin? C'est, mais écoute, mal, je suis désolé, mais si je lui avais pas dit l'AB, il aurait jamais dit l'AB de C. Donc, Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai aucun mal à. Mais Laurie, il l'avait. Ouais, ah, bah c'est ça. Laurie, ça l'avait bien, ça y a pas de souci. Mais... Tiens, il y a un message qui est arrivé qui dit bouh, Julie, t'as été nulle, lol. Bonjour à toute l'équipe. Non, c'est faux. Le peuple, c'est la vérité. Envoyez vos messages de soutien, Julie, n'hésitez pas. Alors, Julie, ça, tu par gères. Contre, Julie, tu gères, ça tu dis pas. Hein. Je viens de lire. Je suis en train de lire. Brieux, le petit frère de Caro, qui est bien arrivé en Australie. Je t'embrasse très fort, Brieux. Ouais, bah écoute, s'il est arrivé en Australie en même temps. Non, c'est Caro qui vient. C'est une amie à moi qui vient d'arriver en Australie. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pour ça en fait, c'est une copine. Mais non, mais oh là là, mais c'est pas possible, le monde entier. Bon, Thomas qui est avec nous maintenant. Salut Thomas de Herve, 24 ans, comment tu vas? Ça va bien et toi, Mickaël? Bah ça va. Est-ce que toi aussi, t'as un petit mot à dire à Julie? Un petit mot de soutien? Je dis aucun respect pour l'AB. C'est son collègue, elle devrait savoir que c'est l'AB 2C. Eh oui, t'as vu? Voilà. Ici à la radio, il faut quand même que je signale à tout le monde qu'ici à la radio, on l'appelle tous l'abbé. Donc voilà, évidemment, moi, moi je l'appelle l'abbé de C. Je l'appelle monsieur l'abbé de C. Alors je voilà, j'ai pris le raccourci. Alors effectivement, c'est son nom entre nous, c'est l'abbé. Et sinon, son véritable nom de scène, c'est l'abbé de C. Je m'incline. Moi, dans mon GSM, son prénom c'est l'abbé, son nom de famille c'est de C. Oui, bien sûr. C'est comme le premier extrait, c'était Céline Dion. Quand tu la connais, tu l'appelles Céline. Tu l'appelles pas Céline Dion. Ah, pourtant, oui, c'est Céline Dion la réponse. Ah, c'est culte. Mais j'ai pas dit. Trois fois boum. Tu sais qu'on perd du temps là pour rien. On peut continuer, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas comme si. C'est pas boum. Allez, encore un petit. De quoi tu dis, Thomas? Je dis, pour Sandro, c'est quand même la gêne de trouver Laurie comme ça après une fois. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que Sandro, toi au moins, c'est la honte. C'est vrai, Sandro, le stagiaire, c'est la honte, effectivement. Non, les gars, il y a ces hormones qui travaillent. Thomas, on va y aller, déclaration express maintenant. On va appeler ta copine, elle s'appelle comment? Aline. Très bien, on va l'appeler pour lui faire une petite déclaration express. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle? C'est quoi? C'est parce que c'est déjà ta copine? C'est ta future copine? C'est quoi? Non, il veut lui crier. C'est mon épouse en fait déjà. Ah, c'est déjà ta femme, d'accord, ok. Eh ben écoute, on y va, on va l'appeler. Dès que tu l'as au téléphone, tu dis voilà, j'avais un truc à te dire et puis nous, on dégaine derrière, d'accord? Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va, on compose, c'est parti. Hop là. Message qui dit, tu devrais avoir honte, Mickaël, bouh à Julie. Oui, alors il y a quand même message, on t'aime Juju. Voilà, quand même, il y a des gens qui me soutiennent. De maman. Mais pas du tout. C'est pas ma maman. Bravo Max, c'est la première, il était temps. Hein. Ah, bravo. Ouais. Oh, je suis accepté. Maman, tu peux non, te taire. Pas encore, pas encore. Désolé. Qu'on la fouette sur la place publique pour son ignorance. Ça, tu inventes des messages qui n'arrivent absolument si, pas. Si, il est là. Ouais, Tika, j'ai un truc à te dire. Ouais. Oh là là. Elle, quand tu l'as connue, c'était pas à Noël. Elle. C'était ta prof de stage et tu l'as trouvée belle. Elle. Pendant des semaines, elle t'a appris à nettoyer. Mais bon, après 3 jours, ça t'avait gonflé. T'es ma tout irrité à cause de l'antical. Mille fois tu te grattais croyant avoir la gale. Elle a un corps magnifique et elle a une bonne bouille. Mais t'es pas comme ses ex, tu lui lâches pas des couilles. Alors Aline, laisse à Thomas juste une fois ce plaisir de venir te prendre dans ses bras. Il est content. Il est fier de sa vanne. Voilà Aline. Aline, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration express? C'était super bien. C'était mignon. Et ben voilà. Gommé, mais il faut quand même rappeler que. C'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Bah voilà. Tu vois, c'était ton cadeau de Noël, Aline, hein, pas cher. Hein. Ah, maintenant tu n'auras plus rien. Son cadeau de Noël, elle a eu un chien déjà. Elle a déjà eu? Ouais, elle a déjà eu un chien, il y en a un autre qui l'attend. Elle a eu quoi? Un chien. D'accord, un chien. Ok. Un chien. Heureusement, nous avons le traducteur Love qui est là. Exactement. Très bien. Bon, ben voilà, Thomas et Aline, gros bisous. Allez, vous bougez bientôt. Pas, Love vous reprend dans une chic. Ouais. Dans moins une chic. Tracasse. Il faut savoir que grâce à Love, on apprend quand même pas mal de nouveaux mots liés. Ça fait plaisir. Les jours. Allez, tracasse, hein, on va revenir dans un instant, tracasse. Dans une minute, une chic. Bah, dans une minute, une chic, tracasse, t'inquiète pas. Bon, allez, il est 8h30 sur Fun Radio, on va retrouver Pour les abous, Julie. Ah, déjà, on enchaîne comme ça. Ah, bah, on enchaîne violemment, on s'en fout, on est violents, on n'a pas peur. Grève sauvage dans plusieurs gares wallonnes. Des conducteurs de train ont débrayé spontanément ce matin pour protester contre la réforme des retraites. Les perturbations touchent principalement les trains qui roulent depuis Mons, Attes-Tournai et Braine-le-Comte. Les lignes qui passent par ces gares sont donc fortement perturbées. Des trains vers Bruxelles et la Flandre ont été supprimés. Une autre grève, cette fois générale, est prévue jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Les transports en commun, Bipost, les pompiers, les différentes administrations publiques mais aussi de nombreuses écoles seront fermées. Le problème, c'est la fameuse réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Et la commission des affaires sociales a déjà approuvé ce projet hier. Les syndicats reprochent au gouvernement de prendre des décisions importantes en urgence et sans concertation. D'après Loretta Collings, ministre des Affaires sociales, dans la situation économique que l'on vit, il faut avancer vite. À noter que les syndicats rappellent le préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Les agents du centre de détention pour mineurs d'âge de Saint-Hubert sont entrés également en grève hier après-midi. Ils veulent ainsi protester contre l'agression de trois des leurs par des jeunes détenus. Les trois gardiens ont été transportés à l'hôpital. La police de la zone assure le travail au sein du centre. La grève est prévue jusque vendredi. Emprunter de l'argent coûtera plus cher. C'est une conséquence directe de l'abaissement de deux crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser la note des entités fédérées. Mais comment réagissent les Belges face à la crise? Eh bien, près de 60% des Belges n'ont pris aucune mesure à la suite de la crise financière et n'envisagent pas non plus de le faire. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le CRIOC auprès de 842 personnes issues de tout le pays. Par contre, 14% des citoyens auraient pris des initiatives et par ailleurs, une personne sur cinq préfère attendre afin d'y voir plus clair. Cérémonie d'hommage à Liège. Il y a une semaine, jour pour jour, Nordine Amrani a ouvert le feu, place Saint-Lambert, tuant 4 personnes et blessant 166 autres. Aujourd'hui, à 12h30, les représentants des autorités publiques et le couple princier déposeront une gerbe de fleurs à l'endroit du drame. Pour rappel, 6 personnes sont encore à l'hôpital, entre la vie et la mort. La ville de Charleroi va lancer prochainement une action en justice contre... Contre le Sporting de Charleroi pour tenter de récupérer du côté du club de football quelques 2,1 millions d'euros. La ville et le Sporting de Charleroi s'opposent depuis plusieurs années sur le montant des loyers à verser pour l'occupation du stade communal. Et puis enfin à l'étranger, Joseph Kabila doit prêter serment ce matin en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, son opposant, refuse toujours de reconnaître la réélection du président sortant. Il appelle même ses partisans à lui livrer Kabila. De quoi faire craindre des violences en République démocratique du Congo, mais aussi au quartier Matungé, ici chez nous à Bruxelles. Et on va passer à la météo maintenant, il est 8h33 sur Fun Radio. C'est de la pluie qui va nous accompagner tout au long de la matinée, mais bonne nouvelle, c'est un temps sec qui va revenir progressivement par l'ouest du pays. Température qui grimpe petit à petit jusqu'à 7 degrés aujourd'hui. Demain, le ciel sera couvert et les températures grimperont encore un petit peu jusqu'à 8 degrés. Eh bah très bien, profitez-en bien justement, il est 8h33. Dans un instant, c'est Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars avec Young, Wild and Free. Et puis l'info en plus, c'est maintenant sur Fun Radio. Alors, tout le monde ne peut pas s'offrir une Ferrari. Bon, non, ça c'est sûr. Doute, c'est méga cher. Alors tu te dis, ben voilà, j'ai qu'à pimper ma voiture. C'est et vrai. Je la change en Ferrari. Eh bien, mais c'est une bonne idée, je vais faire pareil avec une de chevaux. Ben voilà, ben y a un Italien qui a eu cette idée-là, c'est un homme d'affaires. Il a donc transformé sa Pontiac Fiero en Ferrari. Problème, c'est qu'il a été arrêté par la police pour un contrôle de routine. Pour le contrôle de routine. Simplement, alors ils te demandent les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Et ils ont vérifié, ils se sont quand même rendu compte que la Ferrari dans laquelle l'homme d'affaires roulait était en fait enregistrée au nom d'une Pontiac, forcément. Et donc maintenant, il est accusé de contrefaçon. Bah oui, forcément, ils ont gueulé Ferrari. Ah ouais, et on va peut-être lui détruire sa bagnole parce que les contrefaçons. Mais s'il a mis 10 ans général, à l'affaire, là. C'est ça le problème. Et il pourrait aussi être condamné à une forte amende. Tu m'étonnes. Je trouve ça un petit peu fort quand même. Ouais, il a fait sa voiture pour lui, quoi. Voilà, si on a envie de bricoler, pourquoi pas. C'est ça, il va pas non plus la revendre, il va pas en vendre 10 sur eBay, quoi. Ok, écoute, pourquoi pas. 8h34 sur Fun Radio. La réponse à la devinette qui colle, c'est dans un instant. Des clubs aura daigné m'appeler quelqu'un. Et puis on va jouer aussi au Free Code Game dans un instant. Si vous voulez vous inscrire pour jouer avec nous au Free Code Game, et bien là aussi, inscription au 6322. Débutez le message par Frites avec votre numéro de téléphone. Et on vous rappelle, on joue dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. 6322, code Frites. Vous débutez le message par Frites. Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars. On écoute maintenant Young, Wild and Free sur Fun Radio. Bonne matinée avec Fun, il est 8h35. Le son de Snoop Dogg à l'instant sur Fun Radio, c'était Young, Wild and Free. Vous envoyez vos messages si vous voulez discuter avec nous. Vous n'hésitez pas, évidemment, hein, ça se passe tout le temps ici sur Fun Radio. Vous envoyez votre message au 6322. Code Frites, par exemple, pour jouer avec nous au Frites Code Game. Il y a Norris qui est là. Salut Norris. Salut. Comment ça va? super. Bon, ma musique marche pas, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Bon, très bien. Noris, t'appelles de Mons, t'as 21 ans et tu nous appelles pour la devinette qui colle, c'est bien ça? C'est ça, ouais. C'est bien ça. Attends, je vais essayer quand même de remettre une petite musique là en dessous. Ah voilà, ça y est. Alors, la devinette qui colle était relativement simple. Je vais la répéter comme ça au cas où. Pas très aimé des citadins, enfants et vieux aiment l'attirer. Il peuple pourtant toits et jardins et des escrocs. Il est le jouet. Qui est-il? Le pigeon. Le pigeon, bah c'est une bonne réponse. Bravo à toi, Noris. C'est gagné. Tu vas repartir. Merci. Avec soit ton écran plat, soit ta caméra vidéo numérique, Noris. Ouais, je prends l'écran. Eh bah écoute, pas de problème, t'as géré ça avec l'Obo Standard, mais y a pas de souci. Ça marche, salut Noris, à bientôt. Salut, ciao à toi Noris, reste au standard. L'Ob, c'est quand tu veux pour le free code game, hein. C'est pas comme si on est en retard là. Ah oui, il a plein de gens, oui. Ah bah oui, on les voit dans le standard. Oh là là, il se bouscule. Attention, ça pousse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le free code game après, hein. Ah bah sinon, on fait entre nous, si tu veux. Non, le concept, c'est d'arriver... Et il râle, c'est notre faute, encore. Eh, putain, c'est matériel, là. Tu sais, Lob, tu peux pas être bon en tout. Tu peux être nul au standard et très bon en déclaration. C'est normal. Bon, allez, dans un instant... C'est dommage d'être nul au standard pour un liégeois. Dans un instant, le free code game. Oui, bah, appelle des gens au lieu de parler, faire des vannes, en tout cas, essayer d'en faire. C'est dingue ça. Tu vas voir quelqu'un dans les 30 secondes ou pas? Le standard, il déconne. Le standard, il déconne. C'est ça, c'est le standard, comme à chaque fois. Moi, je croyais que c'était le standardiste qui déconnait, mais. Ouais. Bon, le free code game, dans un instant sur Fun Radio. Ne bougez pas, ça vous donne un peu de temps aussi si vous voulez vous inscrire. Hein. 6322, code FRIT, tout simplement. Et dans un instant, c'est Cobra Starship. Cobra Starship. Hey, il faut voir. Là, je suis en train de bouillonner. Là, il faut voir là. Il surtransmire. La radio revient juste après ça. La radio. Oh là là là là. Ouh, pour l'Ob. Il faut changer de cap. Ça ne peut plus durer. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cataluna. Le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. 8h44 sur Fun Radio. Dans un instant, notre invité mystère, je vais vous le faire écouter et vous allez tenter de découvrir. Mais avant cela, l'info trafic, que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, à partir de ce soir 21h et jusque demain matin 5h, travaux routiers dans l'échangeur A8 Bruxelles en direction de Tournai avec l'A16 Mons en direction de Tournai-Lille à hauteur de Quin. Eh bien, la chaussée sera fermée, une déviation sera mise en place. Très bien. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le signaler. Vous nous envoyez votre petit message au 3044, ou alors sur mon mail mikl@funradio.be. Et puis bah là, on va enchaîner directement avec avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. C'est la ligne anti-relou sur Fun Radio à 8h45 tous les matins. C'est comme ça que ça se passe. 7h-4, 8h-4, 9h-4. La ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages qui ont été laissés sur ce répondeur, le 0 473 86 00 13. Mais on va écouter le premier message maintenant, justement, tiens, avant de faire le free code game après. Oui, Vanessa, c'est moi. Oui. C'est pour te dire que, comme prévu, je suis là au rendez-vous. Oui. Je suis déjà entré dans la glacerie. J'ai pris la coupe de fraises comme tu me l'as demandé. Mm-hmm. Je suis là avec mon petit bouquet de roses. Donc, dès que tu me vois à table, parce que ta glace est déjà en train de fondre, donc c'est bien que tu viennes le plus rapidement possible. C'est déjà la deuxième fois que tu me donnes un rendez-vous. J'espère que cette fois, au moins, tu seras présente pour qu'on concrétise notre relation et qu'on avance un peu plus. Merci, bisous. Oui, on va concrétiser la relation là. C'est pas gagné. Oui, effectivement, c'est un boulet. Quand même. Mec, ça fait deux fois. Et le pire, c'est qu'il se dit pas, bon, je vais lui commander sa glace quand elle arrive. Non, je la commande avant. Et après, t'appelles, ouais, ça fond. Mais non, mais ça doit sûrement être un code, tu vois, pour le repérer, pour le reconnaître. Peut-être qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre et qu'elle lui a dit, ben voilà, tu commandes une glace. Surtout qu'après, c'est la honte par rapport au serveur. Oui, je vais prendre deux glaces. Et tu sais, quand après, il vient débarrasser, votre ami n'est toujours pas arrivé. Non, mais elle arrive. Tu vois la glace qui fond. Non, mais elle arrive. Elle arrive. Deuxième et dernier message pour aujourd'hui. Ouais, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu voulais bien qu'on se donne rendez-vous au Quick Apéro. C'est pas vu. En plus, tu m'as dit que c'était si je viendrais habiller en gonzette. Moi, je suis venu habiller en gonzette et toi, t'es pas venu. Je sais quoi cette affaire. Et tu vas revenir sans. Dis-moi quoi, hein? T'as pas mon numéro de téléphone, mais je tiens. Tracasse pas, je te retournerai C4. C'est l'homme qui a laissé un message. Ouais. Probablement. En tout cas, il est aussi relou que lui, donc quoi qu'il en soit, effectivement, on pourrait y croire. Il est 8h47 sur Fun Radio. Dans un instant, le Free Code Game. On appellera encore avant 9h en Belgique. Évidemment, pour que Toff puisse avoir des idées de cadeaux de Noël, hein, comme on le fait depuis 6h. Bah oui, c'est savoir quoi offrir. Hein. On fait ça dans un instant et on écoute Cobra Starship maintenant. You Make Me Feel. Mickaël, à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Il est 8h50 sur Fun Radio, ils vont réveiller tout le monde. Il y a Lady Gaga qui arrive dans un instant avec Marry the Night. Et puis là, nous sommes en retard. Mais oui, c'est normal, c'est la faute de l'homme. Nous allons faire maintenant le Free Code Game avec Cédric. Bonjour Cédric de Liège, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci à vous. Ben ça va bien, ouais, tranquillement. Cédric, tu t'es inscrit pour jouer au Free Code Game? Ouais. Et tu as bien raison, nous allons maintenant jouer, c'est officiel, c'est parti. Mesdames et messieurs, le Free Code Game. Et voilà, le Free Code Game, ça y est, c'est parti. Tu vas donc jouer, tu connais le principe. Je vais quand même le rappeler pour les nouveaux, on sait jamais, quoi qu'il en soit. Il y a 4 possibilités, on est dans une friterie, donc 4 possibilités. Le petit paquet, le grand paquet, le durum ou la mitraillette. Le petit paquet, c'est des questions faciles pour repartir avec un petit cadeau. Et ça va progressivement jusqu'à la mitraillette. C'est le gros cadeau à gagner, mais par contre des questions évidemment relativement difficile. Qu'est-ce que je te sers? Une mitraillette. Une mitraillette, une durum. T'es sûr? Ouais, une durum. Une durum, très bien. Parfait. On dit un durum. Non, non, c'est un normalement. Moi je dis un. Ouais, enfin, c'est un tagine et un durum. Ouais, ouais. En même temps, c'est turc, donc on n'est pas c'est seul. Ça. Bon, allez hop, je te sers le durum, t'es sûr? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Ah. Par contre, j'ai un problème, on a déjà fait ce questionnaire-là. Si, si, c'est déjà fait, c'était la question. Si, si, tu peux le refaire hein, après. Hein. T'écoutes tous les jours ou pas l'émission, Cédric? Il va te dire non. Presque tous les matins. Presque tous les matins. Il est super honnête. Alors on y va. Ah non, mais prends les questions d'hier. Ah oui, mais enfin bon, alors attends une seconde. Alors, entre l'homme qui est en retard et Toff qui va avec les questions d'hier, on n'est pas arrivé. Hein. Bon, alors un petit instant, excuse-nous, hein, Cédric, c'est nous on fait notre. Ouais, ouais, on peut communiquer en liégeois, en attendant. Merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, ouais, c'est vrai. C'est bien, bon, on me hue parce que je dis un truc à moitié, machin, mais au moins je fais bien mon boulot. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bouh! Allez, bon, exactement. Bouh! Toi, bien, peut-être. Bon, on y va. Tu es prêt donc, Durum, on y va, c'est parti. Tu dois répondre du tac au tac, hein, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Quelle est la capitale du Canada? Du tac au tac. Ouais, c'est pas tout à fait droit. Vite, c'était Ottawa, tant pis. Il faut faire 3 sur 5 minimum. Combien mesure la plus petite femme du monde à 2 cm près? Vite. 1m16, non, 62,6 cm. Troisième question, qu'est-ce qui est plus grand, l'atomium ou la tour Eiffel? La tour Eiffel, bonne réponse, 324 mètres contre 102, évidemment, il n'y a pas photo. Un point, qui est Stéphanie Johan Angelina Germanotta? Une actrice? Non, tu vois pas? Non, je vois pas. Oh, c'était Lady Gaga. Et alors, où se situe la Basse-Californie? En Amérique. Non, au Mexique. Ah bah oui, bah ça c'était sûr. Il faut prendre les frites aussi, vous prenez toujours les trucs les plus durs. Et voilà. Bon bah malheureusement c'est perdu Cédric. Une seule bonne réponse, il en fallait 3, c'est dommage. Pas de problème. Bon bah tu retentes. Eh ben, mes collègues de chez Buchan. Eh ben, y a pas de problème, le message est passé. En tout cas, passe une bonne journée, Cédric. Tu reviens quand merci tu veux sur Fun. À bientôt. Et on va se l'écouter justement. Tiens, Stéphanie, Johan, Angelina, Germanotta. Maintenant, c'est avec Marry the Night sur Fun Radio. Lady Gaga à l'instant sur Fun Radio. C'était Marry the Night. Dans un instant, les MFAO arrivent aussi avec Sexy and I Know It. Comme ça, vous le savez bien sûr. L'invité mystère va débarquer également d'ici quelques instants. Juste après, et bien encore une quelques petits appels. Hein. On avait appelé tout à l'heure à AI. On avait également appelé où ce qu'on avait appelé aussi à Bircé. Et là on va appeler à Glin puisque Toff cherche toujours des idées de cadeaux de Noël. Oui. Voilà, bah puisque oui, hier il s'est fait inviter. Hier il s'est fait inviter à Champion, on avait appelé chez quelqu'un qui a dit ok bah tu peux venir, pas de problème. Donc maintenant il faut un cadeau de Noël quoi. Bah c'est ça, je peux pas rêver les mains vides. Bah c'est normal, ça se fait pas, c'est normal. Bon on y va, on va appeler à Glin maintenant, on va voir s'ils sont aussi gentils. Pour l'instant c'est à Bircé hein, où on s'est fait insulter. Hein. Oui. Ouais, ça c'est pas cool quand même Bircé. Bon allez, on appelle à Glin maintenant, on va voir comment ça se passe. Et juste après, l'invité mystère. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir ce que vous alliez offrir pour Noël. Qu'est-ce que je vais offrir pour Noël, pour qui? Bah, pour votre mari, par exemple. Écoutez, monsieur, je ne suis pas marié, j'ai 75 ans, donc vous voulez bien m'excuser, vous m'avez réveillé. Au revoir. Ouais. Elle n'avait pas raccroché son téléphone. Mais ouais, mon téléphone. Bon, on va la rappeler encore un petit coup quand même. Bah oui. Ah, donc elle est réveillée. Bah oui, retour à Glin. Allô, je suis tout à fait réveillée maintenant. Je vous en prie. Très bien. Donc alors voilà, moi je vous appelais juste pour savoir ce que vous alliez offrir comme cadeau. Je n'offre pas de cadeau, monsieur. Je n'ai pas les moyens. Ah, c'est ça. Ah, voilà, aussi. Je reçois qu'une petite pension de rien du tout. Ah bah oui, et en plus elle va diminuer. En plus elle va diminuer, justement. Ouais. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des cadeaux pour moi. Ah, bah, écoute, je les accepterai volontiers. Écoutez, ça aurait été sympa, mais je sais pas quoi offrir. C'est pour ça que je vous appelais, pour trouver des idées. Bon bah écoutez, dites-moi qui vous êtes, je vous en prie. Ah bah je suis Toff. Toff ? Oui. Toff, je vois pas de Toff moi. Bah non, mais je crois qu'on se connaît pas, hein. Moi je vous ai appelé au hasard. Bon bah écoutez messieurs, je vous remercie de m'avoir appelé, vous avez de la chance que j'étais levé. Eh ben écoutez, c'était très gentil madame, passez une bonne journée. À vous aussi. Hein, et bon courage avec votre petite pension. Merci monsieur. Par contre, encore un vieux téléphone d'antan. Hein. Oh là là, pour une fois qu'il est charmant. Oui, pour une fois qu'il n'est pas méchant, c'est bien. Elle ne peut pas en acheter un autre. Bah non, c'est vrai. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, et bah voilà, donc bah, pour l'instant, c'est pas ce que tu veux, ce que tu vas offrir. On n'a toujours pas trouvé. Je peux lui offrir une pension. Oui, bah ce serait déjà pas mal. Elle serait contente, je pense. Bon, allez, invité mystère maintenant. C'est encore une fois pour repartir avec vos écrans plats ou avec vos caméras vidéo numériques. Écoutez bien notre invité mystère d'aujourd'hui. Là, on peut dire que je transpirais du doigt, comme on dit. Je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Voilà, c'est une grande star de la télé-réalité. Il avait fait Koh-Lanta, c'est là qu'il a été mondialement connu, je vous le remets. Là, on peut dire que je transpirais du doigt, comme on dit. Ah oui. Je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Voilà. Et j'ai un deuxième son, toujours du même, évidemment, toujours le même invité mystère. Mais le truc, en plus, quand elle nous parle après de Bernard Proust et que je lui dis non, moi je connais Alain Prost. Mais uniquement. C'est pas Bernard Proust. Non, mais je sais pas, le truc d'antenne, des fourmis. Oui, on va faire comme les fourmis. Ça, c'est Weber qui a écrit un livre sur comment communiquent les fourmis. Voilà, donc vous voyez, il est un peu barré. Hein. Il avait fait Koh-Lanta notamment, donc si vous avez la bonne réponse, qui est notre invité mystère, 6322 tout simplement, et on vous rappelle peut-être pour vous offrir vos écrans plats ou vos caméras vidéo numériques. Bonne chance tout le monde. I'm sexy and I know it. Dans un instant sur Fun Radio, le son des MFAO, Sexy and I Know It. I'm sexy and I know it. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rembourserai pour la dernière fois de la journée votre facture. 6322 code facture pour les inscriptions. Et on passe à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Avant tout, la police nous signale la disparition de Pierre-Alexandre Claus, un petit garçon autiste âgé de 9 ans, originaire de Wanze. Sa maman et lui ont disparu dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités sont à la recherche d'un véhicule Nissan Patrol de couleur beige, immatriculé VJA702. Emprunter de l'argent coûtera plus cher. Une conséquence directe de l'abaissement de 2 crans de la note du pays. L'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser la note des entités fédérées et donc les notes de crédit de la région Wallonne, de la région Flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Mais comment réagissent les Belges face à la crise? Eh bien, près de 60% des citoyens n'ont pris aucune mesure à la suite de la crise financière et n'envisagent pas non plus de le faire. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le CRIOC auprès de 842 personnes issues de tout le pays. Par contre, 14% des Belges auraient pris des initiatives. Par ailleurs, une personne sur 5 préfère attendre afin d'y voir plus clair. Chez BNP Paribas Fortis, ils ont trouvé la solution pour faire face à la crise. Les employés ont accepté une diminution de salaire de 3%. En échange, la direction promet de ne pas supprimer d'emplois pendant les 4 prochaines années. Cette adaptation de la politique salariale de l'entreprise devrait permettre une économie de 70 millions d'euros. Le groupe emploie quelque 17 000 personnes en Belgique. Les prisons sont surpeuplées chez nous. La Cour des comptes a pris l'initiative de réaliser un audit sur la surpopulation dans les prisons. Elle a examiné les mesures prises depuis 15 ans et son rapport est très sévère à l'égard d'une politique pénitentiaire qu'elle juge irrégulière. Et puis je vous rappelle cette grève sauvage orage dans plusieurs gares wallonnes. Des conducteurs de train ont débrayé spontanément ce matin pour protester contre la fameuse réforme des retraites. Les perturbations touchent principalement les trains qui roulent depuis Mons, Hâtes-Tournay et Braine-le-Comte. Et puis les syndicats l'ont annoncé hier. Une autre grève, cette fois générale, est prévue pour jeudi. C'est tout le secteur public qui va se croiser les bras. Les transports en commun, Bipost, les pompiers, les différentes administrations publiques, mais aussi de nombreuses écoles seront fermées. Le problème, c'est la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. A noter que la commission des affaires sociales a déjà approuvé ce projet hier. Les syndicats rappellent également le préavis de grève générale pour le 30 janvier prochain. Et puis enfin, à l'étranger, Joseph Kabila doit prêter serment ce matin en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, son opposant, refuse toujours de reconnaître la réélection du président sortant. Il appelle même ses partisans à lui livrer Kabila. De quoi faire craindre de violences en République démocratique du Congo, mais aussi chez nous à Bruxelles, dans le quartier Matongé. Il est 9h04 sur Fun Radio. Je vous explique comment vous faire rembourser vos factures dans 30 secondes. Le temps de faire un tour du côté de la météo. Le ciel est plutôt couvert ce matin avec des pluies par endroits, mais l'atmosphère se radoucit lentement jusqu'à 7 degrés aujourd'hui. Cet après-midi, les éclaircies vont revenir petit à petit par l'ouest du pays. Demain, le ciel sera couvert et les températures remontent encore un petit peu. C'est bientôt la fin de la journée. 8 degrés. Oui, je surveille mon temps en même temps. Mais oui, ça va aller, ça va aller. Je fais trop de choses en même temps. Mais oui, tu es overbooked. Si c'est comme ça qu'on dit ça. 9h04 sur Fun Radio, je vous explique dans 30 secondes comment vous faire rembourser vos factures sur Fun Radio. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. Les remboursements des factures, je vous le disais, on va remettre le couvert maintenant. C'est donc la dernière fois pour ce matin qu'on va vous rembourser vos factures dans 3 minutes. Il y a 45,35€ pour Mobistar, par exemple, 110€ pour la taxe poubelle, c'est Lily de la Louvière, 800€ pour la réparation de la voiture, 25 000€ pour une nouvelle cuisine. Faut pas abuser non plus, hein, les gars, hein, quand même pas non plus, hein, exagéré. 79€ pour une perle, qu'est-ce qu'il y a également? 98€ pour la régularisation du gaz, 120€ pour l'Electrabel, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous appelle dans moins de 3 minutes pour vous rembourser cash votre facture. Inscrivez-vous dès maintenant, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans moins de 3 minutes donc. Mais d'abord, il y a évidemment l'info en plus de Julie. Eh bien, je suis tombée sur une étude assez rigolote. Le choix de la lingerie est lié à la crise économique. Alors avant, c'était plutôt les dessous noirs et rouges qui étaient plébiscités. Ouais. Quand tu voulais offrir un cadeau à ta copine de la lingerie un peu mignonne, bah, tu choisissais plutôt le noir ou le rouge. Eh bien maintenant, ça a été remplacé par une autre couleur. Ce sont maintenant les ensembles violets et pourpres qui ont la cote. Alors pourquoi? En fait, chaque couleur a pourquoi une symbolique. Parce que c'est quand même relativement pas beau. Hein. Bah écoute, oui, c'est vrai que tu te demandes un peu pourquoi le violet tout d'un coup, alors qu'en général, c'est plutôt noir ou rouge. Qui est le plus joli. Eh bien, chaque couleur a sa symbolique. Et en fait, le violet ou le pourpre, c'est une couleur qui est plutôt pour les personnes qui recherchent la sécurité, un retour aux valeurs et à l'estime de soi. Ah ouais. Et le vert, c'est quoi? Donc voilà, alors le vert, je ne sais pas. Je n'ai pas tous les codes couleurs devant moi. Mais je sais que le rouge, ça excite plutôt. Ah ouais. Donc, je sais que le violet. C'est pour ça que Toff est en rut chaque fois qu'il est à côté de toi. Là, parce que vraiment, c'est rouge, là, après ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Mais putain, c'est en rouge aujourd'hui, c'est la folie. Ah bah, moi, tu sais bien qu'une fois que je suis à côté du lit, de toute façon, je perds tous mes moyens. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bon, d'accord, ok, très bien. Allez hop, on va rembourser vos factures dans un petit instant. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et avant cela, bah, on s'écoute le son d'Elle Aimé FAO maintenant. Sexy and I Know It sur Fun Radio, il est 9h07. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Tous les matins sur Fun Radio, en effet, on appelle pour vous payer vos factures. Il est 9h10 actuellement sur Fun Radio. Et dans un instant, oui, on remercie Mirko, on vient de recevoir sa carte postale. Oui, pour qu'il nous souhaite les meilleurs vœux. Merci, mais à nous envoyer des cartes postales. C'est gentil, à l'ancienne. Bah oui, à l'ancienne, à Bruxelles, c'est sympa. Trop mignon. Bon, voilà, merci Mirko pour la peine. Je te mettrai un petit colonel Ariel à l'occasion. Oh là là. Comme je sais qu'il aime pas. Enfin, non, plutôt comme je sais qu'il adore. Il adore. Mais colonel oui, Ariel. Il file sur kiff. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite pour le remboursement de la facture. C'est parti, on appelle. Si il ou elle décroche et répond bien, Mickaël ou Fun Radio, à la question que je vais lui poser, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, ce sera gagné. Vas-y. Il y aura OG juste après avec Friday Night qui sera notre invité demain matin d'ailleurs. Allez. Jusque là, tout va bien. Ça sonne. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Qui paye les factures le matin? Jean-Luc. Fun Radio. Eh oui. Comme une petite hésitation. Merde, c'est quoi le nom? J'ai oublié. Bon, comment tu t'appelles? Anna. Anna, tu es dans quelle ville, Anna? Elle est à Montana. C'est drôle, ça. Quelle belle vanne. Donc, Anna, tu es dans quelle ville? Pardon? Comment tu, dans quelle ville tu te trouves? Je m'appelle Pontacel. Pontacel. Mais c'est pas grave, il faut pas. Donc, Anna de Pontacel, très bien. Eh bien, on va te rembourser ta facture. Facture pour. C'est quoi une facture vous, c'est ça? Si mes souvenirs sont bons? Oui, c'est ça. Oui, d'accord, c'est ok. Ça. Eh ben, écoute, pas de problème, hein, c'est payé, ça, il n'y a pas de souci. Tu vas nous envoyer la copie de ta facture. Et on va te rembourser ça, bah, normalement, avant Noël, même, carrément. Super, génial. Ben voilà, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Gros bisous, Anna. Et tu restes bien au standard. Salut, salut, Anna. Merci, salut. Allez, à bientôt. Ciao. Et puis, bah, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, soyez au rancard demain. On remet le couvert à partir de 6h du mat sur Fun Radio. Donc, on vous attend avec impatience, évidemment. 6322, code facture. Allez-y, bonne chance. Dans un instant, on va également écouter le son de OG avec Friday Night. Et puis, avant ça, bah, j'ai toujours un petit extrait là, de notre invité, un petit invité mystère. Là, je le remets. Écoutez. Là, on peut dire que je transpirais du doigt, comme on dit. Et je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Voilà, à votre avis, qui est notre invité mystère pour repartir avec vos écrans plats ou vos caméras vidéo numériques? Il a fait Koh-Lanta. Oui. Ça a été la star de Koh-Lanta tellement il était en train de s'énerver, il hurlait à la mort. Il l'a fait deux fois, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme indice? C'est l'aventurier de l'amour. Oui, c'est vrai, c'est l'aventurier de l'amour également, il a fait ça. Physiquement, il est baraqué. Physiquement, il est baraqué, c'est vrai. Bon, mentalement, il est un peu réduit. Ouais, ouais. Pour compenser, un équilibre. Son prénom commence par M. Voilà, ouais. J'en dis pas plus. Il n'a pas grand chose à dire. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance. Ou pour nos amis Lulu, vous pouvez nous écrire au 621 783 605. Et on écoute donc celui qui sera notre invité demain matin entre 6h et 9h30. C'est OJ qu'on écoute maintenant. C'est Friday Night sur Fun Radio. Bonne matinée. Fun Radio. L'horoscope. C'est Fun Radio et l'horoscope dans quelques instants. Alors avant ça, il y a Manu de l'Invasion Latina qui me dit ouais, qui envoie un message sur Twitter qui dit je suis au Panos, la gare de l'Ouest a priori, et on nous écoute. Oh, c'est gentil, gare de l'Ouest chez Panos. Mais alors on passera pour manger à l'occasion. Hein. Ah, sandwich. Bah, si en plus on nous écoute au Panos à gare de l'Ouest, moi il y a pas de problème. Nous si on nous invite, pas de souci, on viendra prendre le petit déj. Hein. C'est pas loin. En plus gare de l'Ouest, là où on sera vendredi au Mont des Arts. Ouais, enfin, évidemment. Pas loin, ça va encore quoi. Donc on passera passer un petit bonjour, tiens, c'est une bonne idée. Bon, alors attention, on va Doudou. Oui. Vous venez avec faire du ski au Mont des Arts vendredi à Bruxelles. Du quoi? Du ski, un truc avec des petites planchettes comme ça là. Qu'est-ce que vous me racontez? Bon, vous allez voir, ça va être pratique, vous allez voir. Ouais, c'est beau. Bon, allez, Doudou, les béliers. Ah, vous avez tendance à trop critiquer vos collègues. D'accord, bah c'est faux. Les taureaux. Je ne parlerai pas comme ça. Bah, c'est fou. Alors, essayez de garder votre calme lors de disputes et ne dites rien que vous pourriez regretter plus tard. Les gémeaux. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les cancers. Dans votre vie de couple, c'est l'harmonie qui règne et sachez apprécier cette bonne ambiance. Mais les bien lions. Bien sûr, avec plaisir. Bah, oui, ça va pistonner ce soir. Elle va apprécier. Bon, alors, les lions maintenant. Pour retrouver votre paix intérieure et votre calme, retirez-vous un peu ce soir. Très bien. J'espère qu'il n'est pas lion. Hein. Oui, ouais, bah c'est ça. Les vierges. Choisissez un autre jour pour vos projets importants. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Les balances. Vous renforcez votre faculté de persuasion et vous travaillez de manière dynamique aujourd'hui. Très bien. Les scorpions. Prenez en compte les faiblesses des autres. Votre perfectionnisme est une qualité importante, mais il ne faut pas exagérer quand même. Les sagittaires. Dépensez votre trop plein d'énergie au sport, cela augmente votre bien-être et surtout ça va vous aider à perdre tous ces kilos que vous allez prendre au réveillon. Les capricornes. Continuez à suivre votre intuition, c'est la bonne. Les verseaux. On vous demande un service qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes professionnelles et vous faire surtout connaître de nouvelles personnes. Et enfin les poissons. Votre partenaire se sent négligé, alors faites quelques efforts. Très bien, et ben merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais bien sûr, avec plaisir. Bon, la bonne journée, dans un instant on va parler de Total Blackout. C'est l'émission qui est passée hier sur RTL TV. C'est pour moi que vous dites ça? Pas du tout. Si vous avez, regardé, venez nous en parler hein, au 3044, vous nous le dites. Et puis l'invité mystère également, là je vous le remets un petit coup, notre invité mystère là. Là on peut dire que je transpirais du doigt comme on dit. Je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques. Voilà, 6322, c'est 1€ le message, ça commence par un M. C'est une star de Koh-Lanta, il a fait deux fois Koh-Lanta. Il a tendance à s'énerver relativement rapidement, un peu comme Lob. Oui. Surtout avec les femmes. Ouais, ouais, c'est ça. Il a un peu tendance à s'énerver rapidement. Voilà, s'il est. Il a rien dans la tête. Mais... Oui, il a pas grand chose dans la tête. Contre, qu'est-ce qu'il en a dans les biceps? Ah ouais. Ça commence par un M, son prénom. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, on proposait Morad. Non, pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, allez-y, il n'y a pas de problème. 63-22, bonne chance. Et on écoute Sean Paul maintenant. She doesn't mind sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous, il est 9h20. Sean Paul, à l'instant sur Fun Radio, il y aura Laurent Wery aussi avec Hey, Hey, Hey. Juste après, on proposait Mickaël Vendetta pour notre invité mystère ou Mohamed. Oui, ça commence bien par un M, mais ce n'est pas Mohamed, hein, ça c'est sûr. Je vous le remets un petit bout là. Là, on peut dire que je transpirais du doigt, comme on dit. Je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Voilà, quel est notre invité mystère? Ça a été la star d'une télé-réalité, donc. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Et c'est pour repartir avec votre écran plat ou votre caméra vidéo numérique. Ça commence par un M, il a tendance à s'énerver relativement rapidement. Il a fait également, c'était quoi son autre émission de télé-réalité? L'aventurier de l'amour. Oui, l'aventurier de l'amour, exactement. Il est parti à Miami. Exactement. Voilà, si vous avez la bonne réponse, donc c'est pas Vendetta, hein, ni Mohamed. Oui, je me souviens pas qu'il y ait de Mohamed qui fait une télé-réalité. Bah non, ça me dit rien non plus. Voilà, bon, si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, bonne chance tout le monde. Et puis maintenant, eh ben, je vous en parle depuis le début de l'émission. Hein. C'était hier sur RTL TV, il y avait Total Blackout, une émission de très haut niveau, de haute voltige, avec des candidats, comment dire. Trier sur le volet. Oui, exceptionnel, j'allais dire. Hein. Écoutez bien, même Jean-Michel Zeka n'en pouvait plus. Tourista général. Oh, pardon, excusez-moi. Putain, il a changé de voix, Zeka. La pub, non. Non, c'est pas ça. Non, il a eu un petit problème. La non, juste avant l'émission, il a eu un petit problème. Il a dû aller partir au shot. Mais après, par contre, il n'en pouvait plus. Hein. Lâchez le prince. S'il vous plaît. Lâchez le prince. Je dois lâcher le prince. Marionnette. Lâchez la marionnette. J'ai rien compris. Il parle de con, mon pote. On n'a pas compris. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Michel? Il parle de con, mon pote. Je ne comprends pas. Il parle de con, mon pote. Ah oui, il est con alors. Jean-Michel qui insulte les spectateurs. Non, ouais, c'est nouveau, ça tient. Ouais, mais il devait être loin pour en arriver là. Ouais, je pense, ouais. Non, je pense qu'effectivement, il a dû péter une durite, c'est normal. En même temps, c'est pas comme si c'était le seul, à votre avis. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un aquarium? Un poisson. Oui. Ouais, un poisson. Un poisson, effectivement. Bah, pas pour tout le monde. C'est un truc gluant. Ouais. Donc il y a comme du sable. Ouais. Ce serait pas un. Attends, il y a un truc, c'est tout gluant. Un poisson ou. Non, c'est collé à la vitre. Un laveur de vitre. Dans un aquarium. Dans un bocal, hein, bien sûr. Mais oui, c'est tellement simple de mettre un laveur de vitre dans un aquarium, bah, évidemment. Oui, avec sa petite raclette et son éponge. Mais oui. Bon, sinon, on a aussi eu droit à des hommes, des vrais forts, qui n'ont peur de rien du tout. Vous êtes méchants. Vous détestez. Ils auraient dû mettre Jean Barbera dedans, hein. Je pense qu'on aurait, on serait bien marré. Et sinon, dans la ligne anti-relou, il y a des stars, je crois, la semaine prochaine. Ah bah très bien. Donc dans la ligne anti-relou, on a parfois des mecs qui se trompent de prénom, mais bon, ce sont des relous, hein. Ils ont peut-être vu la fille une fois, ils se souviennent plus forcément du nom, etc. Mais quand c'est votre copine et que vous êtes à la télé, c'est tout de suite moins classe. Je ne veux pas. Jen, t'es où? Violaine. Ah, Violaine. Comment c'est possible de se tromper de prénom de la meuf? C'est quand même exceptionnel. Parce que, tu vois, entre Jess et Violaine, tu vois. Ouais, il y a un monde. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le concept, hein, comme pour L'amour est aveugle sur TF1, tout se passe dans le noir. Non, je le dis parce que ça semble pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Je vois rien, je vois même pas mon nom. J'essaie de me voir et je me vois pas. Dans le noir, quel dommage. Bah oui, voilà. Hein. C'était marrant. Bon, bah voilà, hein, c'était plutôt pathétique à la limite, hein, je dirais. Bon, enfin bon. Ouais. Bah, c'était drôle, attends, moi j'étais, je pleurais de rire tellement c'était pathétique. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Allez, dans un instant sur Fun Radio, la réponse à notre invité mystère. Et on écoute Laurent Wery maintenant. C'est Hey, Hey, Hey sur Fun Radio, il est 9h27. Laurent Wery à l'instant sur Fun Radio avec Hey, Hey, Hey. Alors, nous avons un petit. Nous avons Elvira qui est avec nous maintenant. Bonjour Elvira. Bonjour, comment ça va Elvira? Ça va et toi? Ben ça va bien Elvira, t'appelles de Charleroi 103.5 et tu avais la réponse. Quel est notre invité mystère ce matin? Là on peut dire que je transpirais du doigt, comme on dit. Je le mettais, je veux dire, j'aurais un petit mouchoir de doigt, j'aurais bien essuyé les quelques petites larmes qu'il a versées. Eh oui, quel est notre invité mystère Elvira? Mundir. Eh oui, c'est Mundir, évidemment, tout à fait. Ouais. Mundir qui a fait effectivement deux Koh-Lanta, c'est gagné. Bravo Elvira. Oui, je t'entends mal, Toff, tu dis. Non, je disais qu'il a perdu les deux. Oui, qu'il a perdu les deux. Enfin, mais il s'est bien énervé par contre, on ne se souvient que de lui d'ailleurs. Bon, oui, eh ben Elvira, bravo à toi, c'est gagné, je te renvoie chez Lob au standard, d'accord? Merci. Mais je t'en prie. Vas-y. Je fais une dédicace à tous mes amis. Et à mon mari que j'aime très fort. Très bien. Eh ben, le message est passé. Gros bisous Elvira, à bientôt. Merci Elvira, à bientôt. Ciao. Dans un instant, eh bien, il y aura Greg, si du moins il arrive, puisqu'il était coincé dans les embouteillages. Et ça me confirme d'ailleurs, il y a un message qui dit c'est le bordel de la sortie Rebec jusqu'à l'entrée de la E19. Encore une chance que Fun Radio est là pour nous calmer et mettre de bonne humeur. Merci Fun. Bah écoute, de rien, avec plaisir, bon courage à toi. Et puis donc voilà, donc Greg qui sera avec nous, qui sera avec vous plutôt jusqu'à 13h et ce pendant 2 semaines. Pour faire le self avec vous, donc vous choisissez tous vos messages. Si vous voulez lui envoyer un mail, n'hésitez pas, bien évidemment, grégoire@funradio.be, sinon 3044, débutez le message par self. Voilà, juste après c'est Jasmine qui sera là pour Pure Dance Floor, Evan et toute la tribu à 17h, et puis la libre antenne de Vince, hein, la petite bite, on peut le dire, puisque ça fait des semaines qu'on l'attend. Que soi-disant il doit venir faire une vanne le matin, il vient jamais, soi-disant ça a été, il y a eu de la balance, enfin bref, une histoire. Nous, on était déjà barricadés dans le studio, on avait tout prévu. C'est ça, on avait déjà les pavés pour l'attendre. Et voilà. Donc vous pouvez lui envoyer un petit message que c'est un froussard, hein. Vous lui envoyez votre message, n'hésitez pas maintenant, donc dès ce soir, à partir de ce soir au 3044 ou sur son mail vince@funradio.be, vous lui dites froussard. Voilà, froussard, tout simplement, je compte sur vous. Eh ben Greg est arrivé, c'est parfait, le self va démarrer. T'as vu qu'elle accueille un peu, c'est la fête ça. Bonjour, ouais merci, les bouchons galèrent. Oui, les bouchons un peu la merde, effectivement. Je viens d'arriver il y a à peu près 17 secondes. Ah mais c'est très bien, mais tu as 2 minutes de retard, ça sera décompté. Ah, bon. Allez, à demain tout le monde, bonne journée. Salut à tous. À bientôt. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.